riche et complexe, et qu'il aurait été issu d'un assemblage minutieux des meilleurs grains. Ou bien, est-ce le whisky Sir Edward's? Sir Edward's, Sir of Scotland. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Pam palam, pam palam. Tu l'as vu? Où? Oh non, c'est pas vrai, je l'ai encore raté. Ne laissez pas cette offre vous passer sous le nez. Jusqu'à dimanche, chez Darty, bénéficiez de 10 euros offerts en carte cadeau par tranche de 100 euros d'achat sur tous les produits photo, multimédia, TV, son et téléphonie. Carte cadeau Darty limitée à 30 euros, utilisable du 13 août au 30 septembre 2016, voire conditions en magasin ou sur darty.com. Quelle est votre voiture idéale? Pour moi, ce serait une voiture avec une caméra de recul, ou plutôt deux, c'est plus sûr. Trois? Ça c'est trop, trois. Jusqu'au 30 juin, c'est le moment d'en demander plus à Toyota. Yaris Dynamique suréquipée est à partir de 139 euros par mois, entretien inclus. Portes ouvertes ce week-end selon autorisation. Toyota. Offre particulier pour Yaris Dynamique 5 portes 69 VVT en location longue durée 37 mois 45 000 km, premier loyer 1750 euros, sous réserve d'acceptation par Toyota France Financement, voire toyota.fr. La météo sur RMC. La météo, c'est avec Yasmina Benbekaï. Bonjour Yasmina. Bonjour François, bonjour à tous. C'est un week-end de maussade avec sur la moitié nord un ciel bien gris, des averses et quelques coups de tonnerre. Sur les régions du sud, c'est un peu mieux avec quelques éclaircies et puis des averses plus éparses. Et près de la Méditerranée, là, le ciel est lumineux avec un temps sec. Demain dimanche, ça restera gris, maussade et pluvieux. Puis du soleil près de la Méditerranée. Ça restera comme ça une bonne partie de la semaine avec des températures en baisse. Les températures, justement, cet après-midi, 18 à 21 degrés. Au nord, de 20 à 24 au sud et de 25 à 29 degrés près de la Méditerranée. Profitez d'un moment de détente avec piscine-hydrosud.fr, site internet et magasin spécialiste de la piscine. Aujourd'hui, tout le sport est sur RMC. Dès 14h, intégrale UEFA Euro 2016, avec à 15h, Albanie-Suisse, suivi à 18h de Slovaquie-Pays de Galles. 19h, Formule 1, les qualifs du Grand Prix du Canada. 20h45, rugby top 14, premier match de barrage, Racing 92, Stade Toulousain. Et à 21h, intégrale UEFA Euro 2016, coup d'envoi d'Angleterre-Russie. À la radio, sur votre portable, votre tablette, sur Internet, RMC. C'est RMC, il est 8h01. Toute l'actualité, Thomas Chupin. Bonjour Thomas. Bonjour François. Les larmes de Dimitri Payet hier soir. Dimitri Payet, l'homme qui a libéré les Bleus, auteur du but vainqueur de l'équipe de France face à la Roumanie. Victoire 2-1 au Stade de France hier soir. Décryptage de cette ouverture de l'Euro de football avec Roland Courbis en direct dans le journal. Et puis début de compétition réussi également côté organisation. Et puis nous serons aux États-Unis dans ce journal au lendemain des funérailles hors normes du boxeur légendaire Mohamed Ali. Il est 8h01 sur RMC. Bonjour à tous. RMC UEFA Euro 2016. En joueur, 66 millions de supporters. Voilà le coup d'envoi de l'Euro de football hier soir. La fête que n'ont pas gâché les Bleus. Ils ont gagné 2-1 face à la Roumanie. La fête autour du Stade de France et dans les fanzones. Aucun couac, tout s'est bien passé. Et à Paris, les supporters des Bleus ont donc pu vibrer pendant 90 minutes hier soir, Georges Quirino. 5 minutes de la fin du match, un partout entre Français et Roumains, les visages sont crispés, Baptiste, drapeau tricolore sur les épaules, est agacé. C'est censé être un match facile, ça m'énerve parce que la France devrait proposer un jeu plus léché, donc ça m'énerve un petit peu. Ouais. À côté de lui, César est presque en train de prier. Si on continue à se battre, on va marquer le deuxième, on va le marquer. Prière exaucée à 1 minute de la fin par Dimitri Payet. L'euphorie s'empare du Champ de Mars. Maxime est sous le choc de ce but inespéré. J'en reviens pas. Moi j'y croyais pas, honnêtement j'y croyais pas. Merci Payet. Le Réunionnais sorti en larmes a touché supporters et supportrices. Payet maintenant il est là, il est dans le cœur. Certains le voient déjà comme la nouvelle star. C'est lui qui va nous donner l'euro et il va nous le donner. Avant cela, Dimitri Payet a déjà sa chanson, le tube de ce premier match. Payet, il a marqué. Voilà l'ambiance, le reportage dans la fan zone parisienne de Georges Quirino, le soulagement d'après match, mais que ce fut tendu durant toute la rencontre. Les deux leaders, Griezmann et Pogba, n'ont pas apporté grand chose. L'ancien capitaine Patrice Evra a tout raté, mais pour Didier Deschamps, pas de surprise, un match d'ouverture, c'est toujours une épreuve. C'est un match évidemment compliqué, rendu compliqué par cette équipe de Roumanie aussi. Match d'ouverture, ça ressemble un peu comme jouer une finale, donc certainement qu'on était un peu trop timoré dans cette première partie. Mais on a fait ce qui valait jusqu'au bout. Je suis content, évidemment, très content pour les joueurs qui soient récompensés. Évidemment que le résultat, c'est ce qui compte avant tout. Tout n'a pas été parfait, loin de là. mais la victoire fait du bien. Seule la victoire est belle, voilà ce qu'on peut dire ce matin. Bonjour Roland Courbis. Bonjour. Décryptage avec vous de ce match hier soir. Roland, est-ce que cette équipe de France vous a fait peur? Peur non, après on s'attendait à plus, évidemment, ça cette précision fait l'unanimité. Mais de notre côté, c'est un premier match laborieux, un début avec des joueurs stressés, des joueurs inquiets, peur de mal faire. Mais finalement, quand on voit qu'en étant aussi moyen, on se débrouille quand même de gagner, quand on voit le scénario et quand on voit le but raté, que ça frise même le miracle des Roumains à la première minute, et quand on voit le but de Payet à la 89e minute, donc c'est les buts avec nous, voilà, on se dit tiens, Didier est compétent, mais il a retrouvé la forme aussi, et donc il n'y a aucune raison de ne pas être confiant. Avec de la compétence plus de la chance, c'est difficile de perdre. Vous parliez de la pression, Roland, ça se sentait sur la pelouse hier soir, c'est peut-être dû aussi à la jeunesse de cette équipe. Difficile de gérer un tel événement à domicile avec une équipe, mine de rien, très jeune. Oui, peut-être aussi, mais enfin, des joueurs comme Griezmann et comme Pogba doivent faire beaucoup mieux. Ils ont raté leur match, mais de notre côté, c'est encourageant parce qu'ils sont vraiment en dessous de leur qualité. Et si nous continuons à avoir un Payet avec ce niveau-là et cette forme-là, et que Pogba et Griezmann, et je vois pas pourquoi ils amélioreraient pas leur prestation, montent d'un cran, voire même de deux crans, ça nous fait quand même une équipe de France qui pourra être, à ce moment-là, séduisante. Question au coach, la sortie justement de Griezmann et de Pogba, une sorte de sanction, mais en tout cas, Didier Deschamps voulait les piquer au vif, leur dire, les gars, il va falloir faire mieux. Non, mais je pense que nous aussi, on ne doit pas toujours dramatiser sur des changements. Il y a des changements, il y a deux joueurs qui sortent. Mais regardons plutôt aussi les deux joueurs qui rentrent. Quand il y a un changement, on parle uniquement de Griezmann et de Pogba. On peut pas parler de Coman et de Martial. Donc je crois que ça aussi, il faut qu'on change un petit peu nos habitudes. Il y a trois changements possibles. Il y a des joueurs qui se partagent le boulot. Et peut-être le prochain match, ce sera deux autres. Mais surtout, ce qui a été changé, c'est pas seulement deux joueurs, c'est le système. Et ça, Didier le fait assez rarement. Et ça nous démontre que Didier a un plan A et un plan B. Et ce plan B, c'est Payet plus trois attaquants. Et justement, ce qui fait que bon, on pourra peut-être l'utiliser assez souvent dans les matchs à venir. Et justement, un dernier mot, Roland, la France a sa nouvelle idole, Dimitri Payet. Vous avez été surpris par son match? On entendait des supporters dire qu'il y avait du zizou dans Payet hier soir. Oui, n'exagérons pas non plus. Donc déjà, il y a du Payet dans Payet, c'est très bien. C'est déjà pas mal. Payet, déjà, c'est un très bon joueur. Et en forme, un très très bon joueur, et en plus, en confiance, un très très très bon joueur. Donc là, ça nous apporte une certaine fraîcheur. C'est un joueur qui vient de très très loin, c'était même pas prévu qu'il soit dans la liste des 23 il y a un an de ça. Et là, le voir avec cette forme, c'est sûr que cette forme doit pouvoir se transmettre à certains de ses coéquipiers qui, eux, par contre, cherchent leur forme. Merci Roland d'avoir été avec nous ce matin en direct. Alors, l'enjeu était sportif hier soir, bien sûr, mais l'enjeu, c'était aussi l'organisation, la sécurité, climat évidemment tendu au Stade de France, 7 mois après les attentats au Stade de France notamment. Le déploiement policier était impressionnant à Saint-Denis, mais Benoît Ballet, finalement, tout s'est bien passé pour les supporters. Plus de 500 km séparent la Charente-Maritime du Stade de France. Benjamin avait donc pris ses précautions. Départ à 9h du matin en cas de problème dans les transports en commun. Finalement, tout s'est bien passé. J'ai pris le train jusqu'à Austerlitz. Ensuite, j'ai rejoint la ligne 5 du métro. Et ensuite, RER jusqu'à l'entrée du stade. Pas de minute de retard, nickel. Avant de pouvoir accéder au gradin, il faut passer par deux barrages filtrants, fouilles et palpations. Pas d'embouteillage pour autant pour Olivier et ses trois enfants. On est rentré très facilement. Deux barrages, pas particulièrement pénible. La peur d'un attentat terroriste était présente dans l'esprit de nombreux supporters comme Grégoire, mais le dispositif de sécurité a vite dissipé son angoisse. On s'est senti vraiment en sécurité, que ça soit dans le stade et à l'extérieur du stade. Quand on arrive ici, on se sent tout de suite bien et on n'a pas la peur qu'on a pu peut-être avoir avant de venir. Pour cette première rencontre de l'Euro, 13 000 membres des forces de l'ordre ont été mobilisés. Le reportage de Benoît Ballet. Alors la compétition se poursuit aujourd'hui, ce groupe A, celui de l'équipe de France, deuxième rencontre entre les deux prochains adversaires de l'équipe de France aujourd'hui, Albanie-Suisse. Et puis deux autres matchs, le groupe B, cette fois-ci Pays de Galles-Slovaquie à 18h. Et ce soir, la rencontre à haut risque au stade Vélodrome de Marseille. Angleterre-Russie, hier soir encore, des supporters anglais ont affronté les forces de l'ordre. 7 personnes ont été interpellées. Il est 8h08 sur RMC. Alors hier soir, les grèves maintenues dans les transports n'ont pas eu de conséquences sur la fête, sur l'euro. Aujourd'hui encore, le trafic reste perturbé sur le TGV. 9 trains sur 10 et sur les TER, 6 trains sur 10. Problème aussi sur les RER. En Ile-de-France, la mobilisation contre la loi travail qui pourrait peut-être se calmer ce week-end. Philippe Martinez, le patron de la CGT, pourrait peut-être être reçu par la ministre Myriam El-Khomri, en tout cas l'y inviter. Jusqu'ici, le dialogue gouvernement-CGT était rompu. La grève des éboueurs également, les trottoirs parisiens notamment, devaient être totalement nettoyés ce week-end. C'est ce que disait la maire de Paris, Anne Hidalgo, sur RMC hier. Sauf que ce n'est pas vraiment le cas. Écoutez le coup de gueule d'Éric Gontier, le fleuriste dans le 5e arrondissement de Paris. Vous avez les poubelles qui sont pleines, qui débordent, on a une puanteur. Moi, toute la journée, je suis en train de brûler du papier d'encens à l'extérieur de la boutique. Du coup, ce samedi, je suis pas sûr, moi et plusieurs des commerçants, à pouvoir ouvrir. Parce que il y a une puanteur et là, on est obligé de fermer les portes de nos commerces. On était abandonnés, quoi. On est vraiment, depuis mardi, rien n'était fait. Sauf le boulevard de Poiriel. Que les grands axes. Ça devient catastrophique. Je pense qu'il serait bon quand même de rappeler à Madame Hidalgo que le 5e, il a pas disparu sous les eaux, hein, et qu'il reste un de ces arrondissements pour lequel elle a été élue en tant que maire de Paris. Le témoignage d'Éric Gontier avec Romain Cluzel. Et puis le personnage était hors norme, ses funérailles l'étaient forcément aussi. Dernier hommage rendu aux États-Unis hier à Mohamed Ali. C'était dans sa ville de Louisville, cortège funéraire d'une trentaine de kilomètres. Impressionnant, émouvant, Philippe Gassot. Eh bien oui, le convoi funéraire qui a traversé Louisville ne comportait pas moins de 17 voitures. Les adieux à Mohamed Ali ont pris des allures de funérailles nationales. Quant aux fidèles, venus le saluer sur le parcours qui menait au cimetière, ils étaient des milliers. La cérémonie funèbre de rite musulman, où étaient représentées toutes les religions, avait rassemblé plus de 6000 personnes. Sa femme et ses 9 enfants. Sa veuve a rappelé que Mohamed Ali avait décidé de boxer sur les conseils d'un policier de Louisville après le vol de son vélo. Il avait 12 ans. Une lettre de Barack Obama a souligné qu'un descendant d'esclaves était devenu le roi du monde. Oublié les controverses et les questions, le boxeur est passé au rang de héros de l'Amérique. The Greatest repose seulement maintenant sous 3 lettres gravées sous une pierre. A.L.I. Ali. Le récit aux États-Unis du correspondant d'RMC, Philippe Gassot, 8h11 sur RMC. On termine avec les courses, François Sorel. Et un tiers écarté, quintet plus à Vincennes, Thomas. Sébastien Darras nous conseille le 17 Indigius et le 16 Aubryon du Gers. Brahim Masloum, lui, tente le 5 Uccello Somoli pour cet après-midi. Et Laurent Guédard, quant à lui, retient le 18 Viking Vabene et le 9 Anzi des Liards. Nous avons donc le 17, le 16, le 5, le 18 et le 9. PMU.fr, Paris Sportif, Paris Hippique, Poker. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13, appel non surtaxé. Attention les amis, sortez la boîte à outils. Dans un instant, il sera là. Et comme chaque samedi, il est impitoyable. Il va répondre surtout à toutes vos questions. Mais oui, bricolage, maison déco. Le 3216 ou bien maison@rmc.fr. C'est parti pour le week-end des experts maison. On est là dans une seconde, à tout de suite. RMC. Dès que je t'ai aperçu, j'ai eu envie de toi. Tu étais si bien dessiné. Un top modèle. Avec tes 5 portes et tous tes équipements, je t'ai trouvé séduisante et pratique. Quand j'ai su qu'à partir de 7 990 € tu serais à moi, j'ai pensé à une blague. Et puis je t'ai essayé et je ne t'ai plus jamais quitté. Mon Opel Karl. Jusqu'au 30 juin, la nouvelle Opel Karl, désignée citadine de l'année par les trophées de l'Argus 2016, est à partir de 7 990 €. Avantages clients déduits, conditions sur opel.fr. Portes ouvertes ce week-end selon autorisation. Les bons plans Auchan, c'est maintenant. Alors Tom, bientôt la fête des pères? Oui, et je cherche un cadeau utile. Eh bien, jusqu'à mardi en magasin et sur Auchan.fr, le téléphone Wiko Rainbow Jam 4G, libre de toute offre opérateur, est à 99,90 € au lieu de 129,90 €. En plus, avec la carte Auchan, 20 € sont crédités sur votre compte Wahoo. Un smartphone 5 pouces 4G à ce prix-là? Auchan, la vie que j'aime. Dont 1 centime d'éco-participation, kit main libre recommandé, DAS 0,249 watts par kilogramme, voire conditions magasin. Salut, moi c'est Lucas Plat. Oui, bon je sais, et en plus on me traitait de dégonflé. Mais c'est fini tout ça. Hier, Solange, c'est ma copine, m'appelle paniquée. Je viens de crever. Elle me dit, t'as une bonne voix pourtant. Mais non, idiot, un pneu. Console-toi, j'ai dit. Chez Citroën, du 9 au 11 juin, c'est porte ouverte à pré-vente avec moins 50% sur le deuxième pneu acheté. Et en plus, tu peux prendre rendez-vous en ligne. Oh, mon Luc Aplat, tu me reconfles. Quelle a fait. Merci, Citroën. Les services Citroën vous simplifient la vie. Offre réservée aux particuliers repose dans le réseau participant. Conditions sur citroën.fr. Citroën. RMC, le week-end des experts. 8h-10h, votre maison. François Sorel, Christian Pesset. C'est RMC, le week-end des experts et la maison avec un Christian PC en pleine forme. Les amis, bonjour Christian. Bonjour mon cher François. Christian qui, justement, rappelle à notre émission sur les abeilles il y a quelques minutes, a mis une belle chemise tout rayée. Voilà. Qui fait penser à une petite abeille. Bzz, bzz, bzz. Oui, bon, ça, vous l'avez fait. Ouais. Christian, on est ensemble jusqu'à 10h sur RMC. Toutes les questions bricolage, maison bien déco sûr. Des auditeurs sont les bienvenues. Et puis tout à l'heure, entre 9 et 10, on va plus jeter, Christian. On va recycler, non. On va réparer ce qui est en panne. Voilà, ça suffit maintenant de gaspiller. L'électroménager, les appareils de bricolage, tout ça. Eh bien, il y a une semaine, dans le cadre de la semaine de l'environnement, qui a été tout à fait prolixe en la matière. Il y a eu plein de manifestations et on va en parler. Et avec on aura des spécialistes pour nous expliquer comment. Alors, n'hésitez pas à comment réparer. Appelez-nous. Vous avez un frigo en panne, vous avez une machine à laver qui marche pas, vous avez, perceuse qui a rendu apparemment là. Ne les jetez pas. Voilà. Jetez pas. Et si vous avez une radio qui ne marche pas. Eh ben oui. Là, c'est le problème. Parce que vous n'écouterez pas. Ouais. C'est ça le souci. Enfin, bref. Ça sera tout à l'heure entre 9 et 10. Bienvenue à vous toutes et à vous tous. C'est parti pour ce week-end des experts maison avec vos questions bricolage maison déco en priorité. Et on accueille Yvette. Bonjour Yvette. Oui, bonjour. Bonjour Yvette. Bonjour et merci d'avoir pris mon appel. Mais c'est normal Yvette. Allez, j'espère que vous avez une bonne question. Mettons un peu la pression à Christian ce matin. Allez-y. Oui, voilà, j'ai un problème qui date de pas d'aujourd'hui. J'ouvre un robinet à la cuisine et quelqu'un se sert de l'eau dans la salle de bain, j'ai beaucoup moins de pression à la cuisine. Oui. Quand on arrose d'un côté du jardin, évidemment, je ne peux pas arroser de l'autre. Ah là là. Alors, j'ai fait venir je me suis renseignée auprès de la société des compteurs pour voir si j'avais pas quelque chose qui était mal ouvert ou pas suffisamment ouvert. Tout se passe bien, je n'arrive pas à résoudre le problème. Alors, certains m'ont dit qu'il faudrait mettre un surpasseur. D'autres, ils m'ont dit que ça ne sert à rien parce que, comme dans l'endroit où vous habitez, vous êtes en début, vous êtes sous le grand réservoir d'eau. Donc, c'est vous qui avez le moins de pression parce qu'autrement... Le plus. Ou le plus de pression, ce qui fait que, vous n'arrivez pas à voir... Non, mais alors, attendez, vous avez fait venir les responsables de la compagnie des eaux, du distributeur d'eau. Voilà, qu'est-ce qu'on vous a donné? Quelle est la pression que vous avez après votre compteur? Écoutez, j'en sais rien du tout. Ah, c'est la première des choses à demander, parce que vous pouvez effectivement ne pas avoir assez de pression. Si vous voulez, il n'y a pas 36 raisons. Hein. Il y en a 2-3. La première, c'est qu'il n'y a pas assez de pression en sortie de compteur. Et là, à ce moment-là, il faut soit un surpresseur, soit demander à la compagnie des eaux qu'elle vous délivre une pression d'au moins 3 bars, par exemple, ce qui est le classique. À partir de là, s'il y a la pression derrière compteur, c'est que c'est dans votre installation. Et dans votre installation, il y a deux possibilités. Soit c'est un problème de configuration d'installation, c'est-à-dire l'installation a été mal faite, il n'y a pas le diamètre des canalisations n'est pas suffisant, il y a trop de coudes, il y a trop de dérivations, bref, l'installation est mal fichue, et à ce moment-là, il faut la refaire. La dernière possibilité, c'est effectivement un entartrage, soit des canalisations elles-mêmes, soit d'un certain nombre d'appareils. Si vous me dites que c'est généralisé, bon, ça pourrait être une réduction encore du diamètre par l'entartrage un adoucisseur, oui. Et comme ça depuis plus de 20 ans. Oui, mais bon, c'est peut-être pas suffisant. Ou bien vous pouvez avoir aussi, vous avez une vanne par exemple, c'est-à-dire un robinet principal, ou l'un des robinets des vannes d'arrêt de l'installation qui est ouvert. Mais il y a un entartrage au niveau du mécanisme lui-même, il y a du calcaire qui s'y est mis, et donc ça limite, ça bouche un certain nombre de canalisations, ça bouche la canalisation sur laquelle il est, et ça ne fait que le débit et la pression ne sont pas suffisants. Quelle est la pression que l'on doit avoir à la sortie normalement? Au minimum 3 bars.

bon installateur m'a proposé Atlantique et Akim. Je voudrais savoir ce que vous en pensiez et qu'est-ce que je dois installer. Alors les deux sont deux bonnes marques. Atlantique est une marque franco-française, c'est-à-dire que elle fabrique l'essentiel de ses matériels et elle les distribue. C'est le groupe Atlantique qui regroupe d'ailleurs plusieurs marques, Sauter en matière de chauffage, Thermor également, et puis la marque Atlantique. Et donc Daikin, c'est comme son nom l'indique un peu, ça vient, c'est plutôt du côté du soleil levant, comme on dit. Hein. Donc, mais c'est très bien, ça marche très très bien aussi. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce que vous voulez en faire. Vous voulez faire uniquement du rafraîchissement? Vous voulez faire aussi du chauffage? Les deux, mais le chauffage m'intéresse moins. C'est surtout le rafraîchissement. D'accord. Donc, à partir de ce moment-là, si vous voulez, 50 mètres carrés, c'est une pièce ou c'est deux pièces? C'est-à-dire que mes deux pièces, c'est salon, salle à manger. Oui. Elle fait 45 mètres carrés. D'accord. Je voudrais que le rafraîchissement vienne un peu dans mon couloir pour rafraîchir un peu ma chambre. Oui, bien sûr. Mais faut pas rêver, hein. Faut pas rêver. À ce moment-là, je vous conseillerais plutôt de faire installer une multi-split, comme on dit, c'est-à-dire avec, vous savez, vous avez une unité extérieure et puis des unités intérieures avec une soufflante, si j'ose dire. En général, ça se met plutôt au niveau du plafond. J'ai peur quand vous me dites une soufflante, j'ai toujours l'impression que vous allez m'engueuler. Voilà, c'est pour ça. En le disant, je vous ai vu blêmir. Mais oui, qu'est-ce que j'ai fait? Bref, revenons à l'affaire de Janine. À partir de là, vous allez avoir un groupe extérieur qui va pouvoir alimenter trois unités ou deux unités intérieures. Mais moi, je mettrais plutôt une unité dans votre plus costaud, peut-être dans vos deux pièces communicantes. Et puis, vous pouvez en mettre une plus petite, peut-être dans votre chambre. Et vous aurez un confort parfait. Alors, c'est vrai, à votre accent, on a compris que vous n'étiez pas vraiment en Sibérie. Donc, pour le chauffage, moi je m'ennuierais pas avec ça. Moi je trouve que le chauffage en pompe à chaleur réversible, c'est pas très agréable, et ça fait des surconsommations. Vous avez peut-être d'autres moyens de chauffage d'appoint pour faire face aux températures un peu plus frisquettes de l'hiver. Christian, merci en tout cas, Janine, pour votre appel. On va revenir dans un instant. Juste un mot quand même, parce que nous avons toujours ce cadeau magnifique que nous vous offrons, là, tout de suite. Précipitez-vous sur votre téléphone. Voilà. Vous nous envoyez donc tout simplement le mot maison par SMS au 732-16. Maison par SMS au 732-16. Et vous gagnez quoi, Cricri? Eh bien, une superbe perceuse à percussion sans fil avec deux batteries. Et oui. C'est un très beau matériel. C'est un matériel Stanley qui vous est offert par RMC évidemment et puis par le magazine Système D. Allez-y, donc maison par SMS au 732-16. Bonne chance, météo info et on est de retour pour ce week-end des experts maison. À tout de suite. Rejoignez les experts maison sur leur page Facebook, votre maison sur RMC. L'UEFA Euro 2016, c'est sur RMC que ça se passe. Aujourd'hui à 15h, Albanie-Suisse, 18h, Slovaquie-Pays de Galles et à 21h, Angleterre-Russie. RMC numéro 1 sur l'UEFA Euro 2016. Toute la passion du foot avec Oscaro.com, numéro 1 des pièces auto-neuves et d'origine sur Internet. Salut vieille branche. Bah, qu'est-ce que tu fais? Je me muscle pour pouvoir soulever tous les sacs de granulés de bois que l'on va me livrer. Bah, tu sais pas que Total te livre tes pelets pile dans ton garage? Pile là où je les empile? Mais oui, et je dirais même plus, pile poil. Ah, ça va mieux. Eh oui, Total s'engage à vous livrer vos pellets jusqu'à votre lieu de stockage. Total Pellet Premium, des granulés de bois sélectionnés avec soin par Total pour une combustion optimale. Commandez-les sur masolutionpellet.com. L'énergie est notre avenir, économisons-la. 194 euros par mois, offre valable pour une Seat Léon référence en location longue durée sur 37 mois et 30 000 km maximum. Entretien et garantie inclus. C'est bon, on l'a. Non mais tu veux pas que je la refasse pour le plaisir parce que La Seat Léon référence à partir de 194 euros par mois, à ce prix-là, même les mentions légales deviennent un plaisir. Premier loyer de 2700 euros suivi de 36 loyers de 194 euros sous réserve d'acceptation du dossier par Volkswagen Bank. Offre réservée aux particuliers jusqu'au 30 juin. Conditions sur Seat.fr. Venez en profiter ce week-end lors des portes ouvertes chez votre partenaire Seat. Ouverture selon autorisation. Bonjour la nuit, maison de la lune. Bonjour, Pierre Elmelec, président de Maison de la Literie. Je suis à Orléans dans le magasin de Jean-Baptiste Vapro. Efficace la nouvelle promo ? Largement. L'opération grande largeur, c'est jusqu'à 40% d'économie. Toutes les largeurs de matelas 160, 180 et 200 sont au prix du 140. Grande largeur, sommeil meilleur, et c'est jusqu'au 12 juin. Bonjour la nuit. Maison de la Literie. Élue meilleure chaîne de magasins de l'année. Voir conditions sur maisondelaliterie.com. Petit message Peugeot en forme de contrôle routier. Bonjour monsieur. Bonjour. Contrôle des pneus. Ah, ben, allez-y. Pas bien. Ah, parfait. Vous êtes passé chez Peugeot apparemment. Oui. Alors c'est bon, vous pouvez circuler. Bonne route. Du 9 au 11 juin, pendant les portes ouvertes Peugeot, les pneus Kléber et Uniroyal sont à 49,95€ seulement. Voir conditions sur apv.peugeot.fr. C'est l'heure de la météo sur RMC avec Yasmina Benbekaï. Bonjour Yasmina. Bonjour François, bonjour à tous. C'est un week-end de maussade avec sur la moitié nord un ciel bien gris, des averses et quelques coups de tonnerre. Alors les averses ne vont pas tarder. Pour l'instant c'est un ciel bien gris, quelques gouttes, mais les averses ne vont pas tarder sur la moitié nord. Et sur les régions du sud c'est un peu mieux avec quelques éclaircies et des averses plus éparses. Près de la Méditerranée, là le ciel est plus lumineux avec un temps sec. Demain dimanche ça restera gris, ça restera pluvieux. Et toujours du soleil près de la Méditerranée. Ça restera comme ça une bonne partie de la semaine avec des températures en baisse. Justement, les températures cet après-midi. 18 degrés à Brest, 20 degrés à Paris, 21 à Strasbourg et Clermont-Ferrand, 25 degrés à Marseille et 29 à Nîmes. Profitez d'un moment de détente avec piscine-hydrosud.fr, site internet et magasin spécialiste de la piscine. C'est RMC. Il est 8h30. 8h30, un point sur l'actualité avec Thomas Chupin. Bonjour Thomas. Bonjour François, bonjour à tous. 89e minute hier soir, la délivrance au Stade de France. Superbe but signé du nouveau chouchou Dimitri Payet et l'équipe de France qui gagne son premier rendez-vous avec son Euro de football. Victoire de 1 face à la Roumanie, rencontre crispante. Pogba, Griezmann ont été moyens. Dimitri Payet a donc été sublime. Et c'était Olivier Giroud qui avait ouvert le score. La fête a donc été totale, hormis les hésitations et les tensions chez les joueurs. Pour le reste, aucun couac, aucun problème pour se rendre au Stade de France hier soir, aucun problème non plus dans les fan zones à travers le pays. L'Euro est donc lancé, ça y est, un mois de football avec aujourd'hui dans le groupe des Bleus la deuxième rencontre entre la Suisse et l'Albanie. Et puis le groupe B, Pays de Galles face à la Slovaquie ce soir à Marseille, Angleterre, Russie. Match jugé à haut risque par les organisateurs. Les supporters anglais ont déjà montré de quoi ils sont capables. 7 d'entre eux ont été interpellés notamment hier dans le où les supporters se sont confrontés aux forces de l'ordre. Le reste de l'actualité, ce sont les grèves qui, malgré tout, n'ont pas perturbé la fête. Hier soir, 11e jour de mobilisation à la SNCF et à la RATP. 9 TGV sur 10 aujourd'hui, 6 TER sur 10. Perturbation également sur les RER. Premier jour de grève, cette fois-ci, à Air France. Aujourd'hui, mouvement lancé par le syndicat des pilotes de ligne pour défendre leur salaire. 70 à 80% du trafic sera assuré aujourd'hui. Les intempéries sur l'ouest de la France, plus aucun département sous vigilance. Mais hier soir, la pluie a fait des dégâts en Bretagne, précisément dans les Côtes d'Armor. Le toit d'un supermarché s'est effondré. Une école a été inondée également dans le village de Plémey. Il est 8h31 sur RMC. Votre maison, vous êtes avec Christian Pessé et François Sorel. Merci beaucoup Thomas. Prochain point sur l'actu à 9h, bien évidemment. Et puis d'ici là, toutes vos questions bricolage maison déco, on les attend de pied ferme avec Christian Pessé. Profitez-en. 3216 maison@rmc.fr. A tout de suite. RMC, le week-end des experts. Votre maison, François Sorel, Christian Pesset. Il est 8h32, c'est RMC, le week-end des experts. La maison, on est ensemble jusqu'à 10h. Je vous rappelle qu'à partir de 9h, un spécial, on va dire quoi ? J'allais dire un peu de débrouillardise, quoi. C'est-à-dire voilà, réparer plutôt que de jeter. Alors non seulement c'est écologique, mais deuxièmement j'imagine que ça coûte moins cher que de racheter un produit neuf. En général c'est plus économique. Voilà, c'est le système D et vous verrez, il a de bons côtés ce système D. Et on va en parler avec nos invités tout à l'heure. On va voir qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être réparées au lieu d'être justement mis sur le trottoir. Alors encore une fois, je parle évidemment des machines. Bien sûr, évidemment Christian, que voulez-vous, imaginez d'autres. Évidemment le web a tout bouleversé dans ce domaine, bien sûr. Et on vous fera découvrir un système vraiment innovant d'impression de pièces détachées en 3D. Oui, en 3D, bon, c'est un truc de fou. Il faut avoir a priori une machine 3D, mais il y a une plateforme qui permet justement d'accéder à d'autres, enfin aux différentes imprimantes 3D qui peuvent se trouver autour de chez soi. Voilà, on n'est pas obligé d'avoir une imprimante 3D, on peut demander ça à quelqu'un. C'est le boulanger qui fait ça. C'est pas mal du tout. Alors attention, boulanger n'imprime pas votre baguette. Hein. Non, attention, pas encore. Soyons précis. Ce sera tout à l'heure entre 9 et 10. Mais d'ici là, place à vos questions, bricolage maison déco 3216. Et c'est Gabriel que nous accueillons. Bonjour Gabriel. Bonjour. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Oui, vous aussi. Je suis très contente de vous avoir. Ah, ça fera plaisir à Christian. Nous aussi. Oui, parce que je vous écoute tous les samedis. Hein. Ah, tous les samedis. Mais oui. Bien sûr. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Ça, c'est bien. Quoi qu'il arrive, mon poste, il est branché. Ah, ça fait plaisir. Voilà. Gabriel. Alors, qu'est-ce qui vous arrive? Bon, voilà. J'ai une maison qui date de 85 environ. Oui. Mais j'ai fait que du traditionnel. Mm-hmm. C'est-à-dire que je n'ai pas de PVC, je n'ai rien chez moi. Tout est ancien. D'accord. Donc, c'est-à-dire que mes volets sont des volets en bois qui font environ 4 cm d'épaisseur, qui sont en très bon état. La seule chose que je dois faire, c'est faire un peu de peinture. Eh oui. Mais bon, ça, on va le voir, parce que je viens de perdre mon mari. Ah. Bon. Alors, je voulais me renseigner pour essayer d'avoir un automatisme. Oui. C'est-à-dire vous, alors, on est bien d'accord, vous avez des volets en bois battant, des volets traditionnels. Voilà, c'est ça. Très bien. Oui. Et donc, j'ai contacté plusieurs entreprises, et tous, ils veulent me changer mes volets. Et ils veulent vous mettre des volets roulants. Voilà, et moi, oui. Je ne peux pas. Eh bien, vous avez raison. Donc, ça existe. Et il n'y a pas de problème, ça existe. Hein. Ça existe même en kit. Vous pouvez avoir un système d'ouverture, donc avec un mécanisme qui se fixe en haut de la fenêtre, sous le linteau, et qui ensuite fonctionne évidemment à l'électricité. Et il y a un corps donc qui abrite le moteur et l'axe. Et puis vous avez un ou deux bras articulés suivant ce que le type de vos volets, si c'est avec un seul battant ou si c'est avec deux battants. Ça est alimenté ensuite sur le secteur, par le secteur, et puis vous avez une télécommande et vous pouvez automatiser aussi cela comme n'importe quel ouvrant, n'importe quel volet roulant. Donc il y a existe. Et vous avez la marque de ce kit ? Non, je ne vais pas avoir de marque directement, mais ou bien vous allez sur Internet si vous l'avez, si vous savez y aller. Sinon, vous demandez au petit neveu, au petit fils de vous donner un coup de main, quoi. Et puis il va vous trouver ça sans problème. Vous tapez ouverture, automatisation, volet battant, et vous allez voir, ça va monter tout de suite. Oh oui, parce que voyez-vous, dans ma cuisine. Il y a quelques années, j'avais acheté ça à la foire de Montpellier. Oui. J'avais acheté un système manuel. Non, mais là, c'est électrique, hein, là, il n'y a pas de souci. Oui, mais moi, je vous parle de ça. Ça fait 25 ans que je l'ai, j'ai jamais eu de problème. Oui, mais c'est normal, ça marche bien. Voilà, alors je leur ai montré ça au gars, et ben non, il faut changer les volets. Non, vous n'avez pas à changer les volets. Non. Bon, ce qu'il faut, c'est que... Alors, elle me dit que vos volets font 4 cm d'épaisseur. Bon, il ne faut pas quand même que ce soit des volets trop lourds. Bon, ça, vous pourrez sans problème trouver des informations sur le sujet. Un bon bricoleur peut vous monter ça. Sinon, une entreprise. Hein. Il y a bien des entreprises qui savent le faire. Merci beaucoup pour votre appel, Gabriel. Et après, Gabriel, un prénom qui rime avec Gabriel, c'est Christelle. Christian, bonjour Christelle. Oui, bonjour. Bienvenue Christelle sur RMC. Bonjour. Merci bien. Écoutez, je vous laisse entre les mains expertes de Christian PC. Ah, mais je n'en doute pas. Moi, je vous appelle parce qu'en fait, notre maison date de 1927. Alors Christelle, juste une chose, vous n'êtes pas en ampli là? Non, pas du tout. D'accord. Mmh. Alors parlez bien en face de votre téléphone, on a l'impression que vous êtes dans une cathédrale. Ah, oh là, mais non, ce n'est pas une cathédrale. Ah, là, vous êtes descendu à la sacristie. Voilà, c'est ça. Non, là, vous êtes dans une maison de 1927. C'est une cathédrale. Ah, très bien. Et donc... qui n'a pas de fondation. Oui. Je crois que c'était classique à l'époque, hein, donc il n'y a pas de sous-sol, pas de fondation. Voilà, vous n'avez pas de sous-sol, mais vous avez sûrement quand même des fondations. Ben, en fait, on s'est rendu compte parce que l'ancien propriétaire avait fait une extension, donc quand on a voulu creuser le sol pour, y avait rien. Pour augmenter... non, il n'y avait rien, donc on était obligé de faire une reprise de fondation pour creuser le sol. Et donc, apparemment, la maison repose sur la terre. Quoi. D'accord. Voilà. Quel est votre problème, alors? Alors, notre problème, c'est que nous avions mis, donc, dans la partie où le sol n'a pas été creusé, nous avions mis un revêtement de sol en vinyle. Oui. Et il n'y a pas longtemps, au bout de quelques années, donc, enfin, au bout de 7-8 ans, on s'est rendu compte qu'il y avait un petit peu de moisissure. Donc, on a arraché une partie du revêtement, enfin, on a soulevé une partie du revêtement, et on s'est aperçu que dessous, horreur, c'était tout, c'était mouillé, eh c'était humide, que l'envers du vinyle était moisi, etc. Bien sûr. Donc, du coup, je me dis que c'est pas sain du tout, et plutôt que de faire refaire le vinyle, je me demande ce que je pourrais mettre à la place du vinyle. J'avais pensé à du jonc de mer en me disant que c'était peut-être plus respirant. Non, ça va pourrir pareil. Votre problème, il est justement que vous avez des remontées d'humidité par le sol qui ne respire pas d'une part, mais en fait le sol il n'est pas vraiment fait pour respirer. Donc vous avez mis là une couche de vinyle, c'est-à-dire une couche étanche. Alors ça ne peut être que la cata. Alors vous avez plusieurs solutions. La première, c'est quand même de creuser un peu et de faire une petite chape, on va dire une petite dalle, mais c'est plus une chape de quelques centimètres d'épaisseur. Alors soit en béton avec une feuille de polyane en dessous pour empêcher les remontées donc d'humidité, mais vous risquez de les reporter sur les murs et ensuite d'avoir des remontées capillaires. Alors vous pouvez aussi mettre une chape sèche, donc toujours difficile à dire le matin. Ouais, mais ça va, je m'en suis sorti. Oui. Donc là, vous avez des granulats et ensuite vous mettez un panotage, notamment en plaque de plâtre spécifique pour le sol. C'est aussi une solution. Et puis, il faut être très très vigilant. Sinon, vous avez la possibilité de créer une zone mais ventilée, parce qu'il faut qu'elle soit vraiment ventilée, en mettant des solives sur le sol et en y mettant ensuite ce que vous voulez, c'est-à-dire un plancher en lame. Un plancher en panneau, comme je viens de vous l'évoquer. Mais je dis bien, il faut faire très attention à ce que ce sol soit ventilé pour justement qu'il n'y ait pas accumulation d'humidité. Voilà les solutions que moi je préconiserais. Ce n'est pas véritablement un problème de revêtement de sol, et surtout pas ce que vous envisagiez, c'est-à-dire du jonc de mer qui est un très bon produit, j'en ai chez moi, sauf qu'il faut que ce soit dans des pièces qui sont sèches et pas trop, parce qu'il faut de temps en temps l'humidifier, en tout cas quand on est dans des régions un petit peu sèches et chaudes. Mais voilà, c'est pas seulement un problème de revêtement. Vous pouvez aussi tenter de mettre un carrelage, hein, tout simplement, mais il faudra faire une petite chape également. Parce que les solides, il faudrait qu'elles soient de quelle épaisseur? Il faudrait que ça soit surélevé de quelle épaisseur? Problème, c'est que déjà, comme dans les maisons de cette époque-là, le plafond est bas. C'est pour ça d'ailleurs que dans l'autre partie, nous avons fait creuser le sol. Oui, mais c'est ça. Ben, il va falloir peut-être aussi creuser le sol là. Si vous avez une terre qui est très humide en dessous, c'est-à-dire si votre maison est posée sur une terre qui est humide, alors c'est pas la bonne solution. Il vaut mieux faire une chape à ce moment-là, carrément avec une feuille d'étanchéité pour empêcher les remontées d'eau, quoi. Merci beaucoup, Christelle. Et après Christelle, c'est Stéphane que nous accueillons au 3216 dans ce rendez-vous maison. Bonjour, Stéphane. Bonjour à tous. Moi, je vous appelle parce que j'ai un petit souci. J'ai une chaudière à gaz qui me fait l'eau chaude et le chauffage. Oui. Le problème, c'est que j'ai installé un grand radiateur, un peu comme un Akova, en tout dernier radiateur pour chauffer. Et le souci, c'est qu'il ne me chauffe qu'à moitié le radiateur. J'ai qu'une partie qui chauffe. Oui. Et donc, je me demandais si c'était le radiateur ou si c'était ma chaudière qui n'était pas assez puissante. C'est tout à fait possible. En plus, si vous avez mis un gros radiateur en fin de course, l'installation n'est peut-être pas calibrée pour ça. Mais sinon, avez-vous déjà véritablement bien purgé votre radiateur? Oui, j'ai tout purgé, j'ai tout fait, j'ai changé toute la tuyauterie pour ce radiateur. Bon. Le seul problème, c'est que des fois, quand il se met en marche, il me chauffe entièrement. Et tout à coup, après, j'ai une perte de puissance et il me chauffe que la moitié du radiateur. Oui, moi, je pense que là, vous avez un problème de circulation. Votre chaudière, elle a un circulateur réglable? Directement, oui. Directement, oui. C'est-à-dire, vous pouvez le régler ou pas? Alors, moi, ce qui se passe, si vous voulez, c'est que je mets au niveau de la pression, je monte à 1 bar 5. Non, je parle pas de pression. Je parle du circulateur. Ah non, j'ai pas de circulateur. Donc le circulateur est intégré à la chaudière. Faites venir à ce moment-là un technicien, celui qui vous fait l'entretien. Je vous rappelle que l'entretien est obligatoire, un entretien par an. Donc en plus, posez-lui la question. Ce sont des gars qui généralement sont compétents, parce que comme ils font de l'entretien, ils voient passer tous les problèmes possibles et imaginables concernant le fonctionnement des chaudières et des systèmes de chauffage. Bon, je pense que vu que votre installation est récente de votre radiateur, il y a peu de chances qu'il soit colmaté par de la boue, hein, donc parce que ça pourrait aussi arriver. Bon, voyez aussi le robinet de ce radiateur, si jamais il n'est pas, s'il fonctionne bien, mais a priori il n'y a pas de raison. Moi, je verrais plutôt un problème de circulation le fait que votre plus gros radiateur, finalement, ou un gros radiateur, soit en bout de circuit, ce qui n'a pas été forcément prévu initialement. Merci Stéphane. Allez, on revient dans un instant avec Raymond qui nous attend au 32-16. Christian, on va retrouver sa question dans un instant. Et je vous rappelle que vous pouvez à tout moment joindre Christian PC ce matin pour votre question bricolage maison déco. Profitez-en, hein. Christian est un vrai expert, il est là pour ça. Et vous pouvez le retrouver évidemment chaque samedi sur RMC entre 8 et 10, mais tout au long de la semaine sur maisonbrico.com. Voilà, vous savez tout. C'est très bien, il y a plein de vidéos, des tutoriels, plus de 150 tutoriels. Mister Tutoriel, c'est Christian PC, c'est lui. Ouais. À tout de suite. Le week-end des experts sur RMC, votre maison. Salut, c'est Jean-Louis Séguier. Quelle ambiance hier soir au Stade de France. Quel match d'ouverture. Quelle victoire des Bleus. Attention, sur RMC, on ne lâche rien. Et mercredi, on se retrouve depuis Marseille pour France-Albanie. RMC numéro 1 sur l'UEFA Euro 2016. L'Euro en France, c'est unique sur RMC. Dès 14h dans l'intégrale Euro 2016 sur RMC, découvrez le Quintet Plus des Bleus. Avec le PMU, partenaire majeur de l'équipe de France de football, pronostiquez à chaque match vos 5 meilleurs bleus et tentez de gagner un entraînement avec les joueurs et de nombreux autres cadeaux. Conditions sur quintetplusdesbleus.fr. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Petit message Peugeot en forme de remerciement. Avant toute chose, je tenais à remercier toute l'équipe Peugeot pour ce crédit exceptionnel à taux 0% sans lequel rien n'aurait été possible. Excusez-moi, c'est l'émotion. Je suis l'homme le plus heureux du monde dans ma nouvelle Peugeot. Merci. En ce moment, profitez d'un taux de crédit à 0% sur toute la gamme Peugeot. Portes ouvertes ce week-end. Crédit sur 12 mois au TAEG et taux débiteur fixe de 0% de 5 000 à 10 000 euros empruntés, soit pour 6 000 euros, 500 euros par mois sur 12 mois, total du 6 000 euros. Détails sur peugeotwebstore.com. L'été approche et avec Isofrance Fenêtres, vos menuiseries fabriquées sur mesure en France, plus besoin d'être sur la plage pour en profiter. Jusqu'à ce soir, 150 euros de reprise pour chacune de vos anciennes menuiseries. Rendez-vous et conditions sur isofrance-fenêtres.fr ou au 0800 300 969, service et appel gratuit. Quelle est votre voiture idéale? Il faut qu'elle ait des jantes qui claquent sa mère. Et vous? Qu'elle soit connectée, tactile et avec le Bluetooth. Hashtag trop cool. L'hashtag si tu veux, mais avec des jantes qui claquent sa mère. Jusqu'au 30 juin, c'est le moment d'en demander plus à Toyota. Yaris dynamique suréquipée est à partir de 139 euros par mois, entretien inclus. Portes ouvertes ce week-end selon autorisation. Toyota. Offre particulier pour Yaris Dynamic 5 portes 69 VVTi en location longue durée 37 mois 45 000 km, premier loyer 1750 euros, sous réserve d'acceptation par Toyota France Financement, voire Toyota.fr. Carrefour Market. Depuis que j'ai découvert le quinoa, le tofu, le boulgour, j'essaie plein de nouvelles recettes, mais j'ai pas toujours le temps. Mais simplifiez-vous le travail, Michel. Jusqu'au 12 juin chez Market, il y a 30% de remise immédiate sur une sélection de repas salés céréales bio. Avec vous, tout est si simple. Et c'est aussi valable sur de nombreux produits de marque. Décidément, vous êtes bio et intelligent. Carrefour Market, le plein de fraîcheur et d'économie. Voir détails et magasins participants sur carrefourmarket.fr. Disponible dans les drives Carrefour Market. Pour votre santé, évitez de grignoter. Cette semaine avec VSD et RMC, plongez au cœur de l'UEFA Euro 2016. Pour tout savoir, le calendrier et le City Guide avec les endroits où il faut être pour ne rien rater des matchs et des interviews. Rendez-vous en kiosque dès aujourd'hui avec RMC. Kia. Voilà, les premières surprises de l'Euro entrent en jeu. Oui, ce sont les séries limitées Kia UEFA Euro 2016 suréquipées. Ah, quelle allure avec leur jante alliage. Oh, le public s'enflamme. Climatisation automatique, navigation avec caméra de recul, Bluetooth. Oh, les séries limitées Kia Euro 2016 font un gros pressing sur les prix. Et avec la garantie 7 ans Kia, les adversaires sont débordés. Découvrez-les vite aux portes ouvertes Kia du 10 au 12 juin. Kia, le seul constructeur à garantir tous ses modèles 7 ans. Conditions des offres et de garantie sur kia.com. RMC, c'est au 32-16. 45 centimes la minute. Et au 7-32-16. 65 centimes par envoi, plus près du SMS. Ah, les jardins au printemps. Moi, j'ai des envies de jardiner. C'est vrai, la nature se renouvelle, les couleurs explosent. Et oui, Stéphane, c'est le moment de jardiner. Et ça tombe bien. Jusqu'au 18 juin, c'est le grand jeu Tous au jardin chez Gamme Vert, avec plus de 50 000 euros de cadeaux à gagner. Gamme Vert, le goût du jardin. Jeu gratuit sans obligation d'achat, conditions et magasins participants sur gammevert.fr. RMC jusqu'à 10h, votre maison. Christian Pesset, François Sorel. 9h moins 10, la météo, les infos. On reviendra évidemment sur la victoire de la France face à la Roumanie pour ce match d'ouverture de l'Euro tout à l'heure avec Thomas Chupin et toute la Dream Team RMC. Mais d'ici là, Christian, on parle maison, bricolage, déco. Et nous avons Raymond qui est là au 32-16. Bonjour Raymond. Bonjour François, bonjour Christian. Bonjour Raymond. Voilà. J'ai acquis le 30 juin un appartement dans un immeuble de 3 étages. Oui. J'ai le 3e, j'habite au 3e étage et on m'a vendu en même temps la terrasse de l'immeuble qui fait 78 mètres carrés. Ben c'est bien ça. Bon, la façade est en pierre de taille et le côté et l'arrière de l'immeuble est en crépi. Oui. Bon, sur le toit, donc la terrasse est bordée par un muret. Oui. qui fait, j'ai mesuré 1m17, 1m20, c'est classique. Sur lequel il est recouvert par endroit par une pierre qui fait 3 cm d'épaisseur sur 30 cm de large. Oui. Donc qui déborde de chaque côté du mur. D'accord. Sur la façade, c'est recouvert par du zinc. Ah oui. Donc, il n'y a pas de problème. Et sur le côté et l'arrière, la pierre est sale, est salie par la pollution. Et ouais. Puis, la pluie faisant. Le mur est dégoulinant et voilà. sali quoi. Ouais. Alors je voulais savoir comment on peut nettoyer cette pierre. Est-ce qu'il y a pour la protéger pour l'avenir et pour le mur, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors un ravalement après 10 ans, ça me paraît bizarre. Ça me paraît un peu juste. Faire un ravalement au bout de 10 ans, ça dépend de la réglementation municipale. Hein. Ah bon? Puisque dans beaucoup de villes, justement, l'obligation de ravaler est décennale. C'est le cas à Paris. Ah oui. Donc, je sais pas où vous êtes, mais à Saint-Maur-des-Fossés. Oui, donc vous devez avoir l'extension de la réglementation parisienne à l'Île-de-France. La ville, effectivement, peut imposer un ravalement tous les 10 ans. Ah bon, mais c'est pas sur la façade, hein, c'est sur le... Oui, donc alors à l'intérieur, vous faites ce que vous voulez à l'intérieur, sur la façade, ça. Bon, mais à l'intérieur, vous faites ce que vous voulez. Moi, je pense que là, vous avez typiquement un phénomène conjugué à la fois d'incrustation de liée à la pollution atmosphérique, oui. Et puis peut-être aussi un petit peu de mousse ou de lichen qui s'y mettent et donc vous avez effectivement une salissure et qui fait des traces parce que votre mur n'est pas régulier d'après ce que j'ai compris. Vous avez un crépi, vous avez donc il peut y avoir des coulures. Bon, voilà. Moi, je commencerai par essayer d'appliquer un anti-mousse. Donc, ça, c'est du commerce. Hein. Je déconseille toujours l'eau de Javel, qui est le risque de porter atteinte à l'environnement. Quand même, c'est pas idéal le dégagement de chlore. Donc, moi, j'essaierai un anti-mousse que vous allez appliquer par pulvérisation. Faites attention au nettoyeur haute pression si vous l'utilisez. C'est possible, mais ne soyez pas tenté parce que c'est très spectaculaire, ça marche très très bien. Oui. On est tenté de s'approcher toujours un peu trop. Près. Voilà, oui. il faut mettre ces 30 cm pour ou alors vous utilisez carrément un jet classique avec un tuyau en PVC et puis ou en caoutchouc et donc vous allez avoir déjà ça va vous rincer tout cela. Comme c'est anti-mousse, ça va empêcher aussi de s'incruster. Sinon, il y a toute une gamme de produits qui existent existent dans le commerce, dans différentes marques qui sont aussi des produits anti-incrustation. Il existe même des produits anti-graffiti. Donc évidemment, si ça empêche les graffitis, ça empêche aussi la pollution de s'accrocher. Oui. Hein, et donc vous traitez les murs avec ce type de produit. Il y en a chez Starworks et autres. Et vous allez être tranquille un peu plus longtemps. Mais ce qu'il faut, c'est faire un nettoyage annuel, quoi. Hein, après. Ah d'accord. Ouais. D'accord. Et comme bon. Ça, vous serez tranquille. Bon, ce nettoyage, il m'incombe personnellement ou c'est à la copro qui a Oui, il vous incombe complètement parce que vous avez la jouissance de la terrasse. Oui. Et en aucun cas, si vous venez, ça ne. Maintenant, je me mets à vous tutoyer. Mais non, mais parce que vous sentez que Raymond est sympa, c'est pour ça. Quelque chose est en train de se tisser voilà. Entre vous. Non, vous avez effectivement, en aucune façon, ça ne compromet l'utilisation de votre terrasse. C'est simplement un peu disgracieux pour vous, donc vous n'avez aucune chance que la copro prenne ça en charge. Non, mais c'est pour le mur, quoi, que surtout pas de façade, mais le mur de l'immeuble, quoi. Oui, mais si vous m'avez dit tout à l'heure que ça ne se voyait pas, c'était pas le mur de façade, puisque non, lui. Non, pas le mur de façade, c'est le mur qui est c'est le mur qui est sur un côté et puis sur l'arrière. Ouais, mais bon, à mon avis, vous n'aurez aucune. Enfin, vous pouvez toujours tenter. Hein. Vous inscrivez ça à une assemblée générale et puis vous dites qu'il y a un problème de que ça peut entraîner une dégradation du mur. Vous pouvez toujours tenter. Moi, je suis sûr que vous n'aurez pas gain de cause, mais essayez, hein, qui ne tente rien à rien. Hein. Merci Raymond pour votre appel. Et Christian, on va se retrouver dans un instant. La météo, les infos, on va revenir sur la victoire des Bleus hier soir, bien évidemment, pour ce match d'ouverture de l'Euro. Et après, on attaquera notre deuxième partie dédiée à la maison avec un spécial do it yourself, en quelque sorte. Oui. Au lieu de jeter votre machine à laver. Plus réparer. Eh bien voilà. Est-ce que ça vaut pas le coup de le réparer? Mais, on rentrera dans les détails parce que vous verrez qu'il y a pas mal d'innovations. Il y a pas mal de sites aussi qui sont là pour vous aider. Ça sera un spécial débrouillardise entre 9 et 10. Et bien sûr, vous allez pouvoir nous appeler au 3216 pour témoigner ou poser vos questions sur ce sujet. Tiens, vous avez réussi à réparer un appareil chez vous. Racontez-nous, comment avez-vous fait? Ou bien vous vous demandez ce qu'a votre machine à laver qui fait quoi? Ah oui, elle fait comme ça. Elle fait comme ça. Voilà. Ça peut arriver. Oui, c'est vrai que si vous avez un appareil en panne, appelez-nous. On va essayer peut-être pour de vous aider. Vous approcherez le téléphone de la machine. Exactement. Peut-être que nous aurons on aura quelqu'un qui pourront identifier des bruits bizarres. On a un réparateur professionnel. Allez, à tout de suite après la météo, les infos 9h sur RMC. On compte sur vous. Vous restez là. Le week-end des experts sur RMC, votre maison. Votre toit protège votre famille. Mais qui protège votre toit? C'est Ciplast, bien sûr, le leader de l'étanchéité à l'eau, à l'air et au vent depuis 60 ans. Grâce aux barrières radiantes de sous-toiture Thermix et Super Reflex, prolongez la durée de vie de la charpente et augmentez le confort thermique de votre maison en gagnant jusqu'à 6 degrés, été comme hiver. Demandez à votre couvreur et retrouvez toutes nos solutions de sous-toiture sur Ciplast.fr. Petit message Peugeot en forme de contrôle routier. Bonjour monsieur. Bonjour. Contrôle des pneus. Ah, allez-y. Pas bien. Ah, parfait. Vous êtes passé chez Peugeot apparemment. Oui. Alors c'est bon, vous pouvez circuler. Bonne route. Du 9 au 11 juin, pendant les portes ouvertes Peugeot, pour tout achat de pneus, Peugeot vous rembourse la différence si vous trouvez moins cher ailleurs. Voir conditions sur apv.peugeot.fr. Avec EDF Entreprises, en cas de fuite d'eau ou de panne d'électricité, vous pouvez compter sur un dépannage rapide. Que vous soyez un professionnel ou une PME, avec les services assistance dépannage d'EDF Entreprises, des spécialistes vous répondent 24 heures sur 24 pour résoudre vos problèmes dans un délai de 4 heures pour la plomberie et de 2 heures pour l'électricité. La garantie de ne pas perdre de temps. Conditions de l'offre sur edfentreprises.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Vous entendez? C'est une viande de bœuf charolaise qui grille. Elle est... Oui, parce que si c'était une limousine, ce serait plus... beaucoup plus... Miam! La blonde d'Aquitaine, elle serait plutôt... Ah! Vous n'entendez pas la différence? Le plus simple serait de goûter toutes ces viandes de bœuf. Les races à viande, avec toute leur diversité, sont en vedette dans vos points de vente préférés. C'est le moment ou jamais. Les races à viande, plus on les connaît, plus on les aime. Quand les plus grands joueurs européens... Rencontre la meilleure compagnie aérienne d'Europe. C'est avec fierté que nous sommes sponsors de l'Euro 2016. Vous êtes passionné de foot et vous soutenez l'équipe de France? Prenez une photo, partagez-la avec le hashtag EuropeBest et tentez de gagner votre place pour assister à un match de la France. Turkish Airlines. Tous supporters de l'Euro 2016 avec Leader Price. Aujourd'hui, samedi 11 juin, Leader Price décapsule les prix avec 10% de remise immédiate en caisse sur toutes les bières du magasin. En pack ou en bouteille, les bières sont encore moins chères chez Leader Price. Alors dépêchez-vous, c'est seulement aujourd'hui. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Offre valable uniquement le samedi 11 juin 2016 hors promotion. Liste des magasins participants sur www.leaderprice.fr. Leader Price, le choix malin pour vivre bien. Baptiste, oui. On voit les bulbes, les fleurs et les graines. Ok. Tu peux me donner les baguettes aussi? Voilà. C'est bon. Maintenant, il me faut la tuyauterie. Ouais. Et la caisse à outils. Et passe la peinture aussi. Ouais. Ah, et prends la viande de bœuf. N'oublie pas le poisson. Et charge la bétonnière. Jusqu'au 30 juin chez Ford, profitez d'une offre exceptionnelle pendant le mois de l'utilitaire avec la gamme Ford Transit Euro 6 à partir de 8 990 €. Offre pour un transit courrier ambiante TDCI 75 chevaux Euro 6 réservé aux professionnels. Montant hors taxe, voir Ford.fr. Coucou, c'est nous, vos conseillers Bureau Vallée. En ce moment, les 100 stylos billes rétractables dont 20 gratuits Peppermint Enjoy sont à 19,79 € TTC. En noir ou en bleu? Perso, je prendrais les bleus. Ben pourquoi? Parce que... Allez les bleus! Pardon. Bureau Vallée, le discount est dans notre nature. Offre valable du 6 juin au 2 juillet 2016. Voir liste des magasins participants sur bureau-vallée.fr. C'est l'heure de la météo sur RMC. La météo de ce week-end, c'est pas terrible, terrible, hein, Yasmina Benbeka. Non, François, c'est pas terrible, terrible. Il fait gris, il pleut, il y a même des orages. Ça, c'est globalement le temps qu'il va faire donc ce week-end. Alors, dans le détail pour aujourd'hui, pour ce samedi, c'est quand même plus sympa sur les régions du sud, avec dans le sud-ouest quelques gouttes seulement et quelques éclaircies. Et puis, près de la Méditerranée, un temps sec et un ciel lumineux. Ailleurs, c'est vraiment un ciel gris avec des averses. Demain dimanche, ce sera gris, pluvieux, maussade. Du soleil toujours près de la Méditerranée. Et ça restera comme ça une bonne partie de la semaine avec des températures en baisse. Les températures justement cet après-midi, 18 degrés à Brest, 19 à Cherbourg et à Bourges, 20 degrés à Paris, à Lille et à Nantes, 21 degrés à Strasbourg, à Dijon, 21 également à Clermont-Ferrand et Biarritz, 22 degrés pour Limoges et Bordeaux, 23 à Toulouse, 25 degrés à Perpignan et en Corse, 28 pour Marseille et 29 degrés à Nîmes. Profitez d'un moment de détente avec piscine-hydrosud.fr, site internet et magasin spécialiste de la piscine. Aujourd'hui, tout le sport est sur RMC. Dès 14h, intégral UEFA Euro 2016, avec à 15h, Albanie-Suisse, suivi à 18h de Slovaquie-Pays de Galles. 19h, Formule 1, les qualifs du Grand Prix du Canada. 20h45, rugby top 14, premier match de barrage, Racing 92, Stade Toulousain. Et à 21h, intégral UEFA Euro 2016, coup d'envoi d'Angleterre-Russie. À la radio, sur votre portable, votre tablette, sur internet, RMC. C'est RMC, le week-end des experts revient dans un instant, il est 9h. Toute l'actualité, Thomas Chupin, bonjour Thomas. Bonjour François, 89e minute de jeu hier soir au Stade de France, la délivrance. Payet la frappe ! C'est donc Dimitri Payet qui a sauvé la fête. Victoire 2-1 des Bleus face à la Roumanie en ouverture de l'Euro de football. Une fête sans accrocs, des supporters ravis autant au Stade de France que dans les fanzones à travers le pays. Et puis l'actu ce matin, ce sont aussi les funérailles en grande pompe du boxeur Mohamed Ali. Décédé il y a une semaine, l'ancien président Clinton lui rendait hommage. Il est 9h01 sur RMC, bonjour à tous. RMC, UEFA Euro 2016. De longues minutes irrespirables sur la pelouse du Stade de France. Et le déclic signé Dimitri Payet, le Réunionnais qui a délivré les 80 000 spectateurs et surtout son équipe, l'équipe de France, qui a donc commencé son Euro par une victoire hier soir 2-1 sur la Roumanie. Et les Bleus se sont donc trouvés une nouvelle idole, Jérôme Sillon. L'ovation du Stade de France est intense, la reconnaissance des supporters immense envers le sauveur des Bleus, un Dimitri Payet submergé par l'émotion qui fond en larmes au moment de son remplacement. C'est beaucoup de stress, de pression. Je pense que s'il y a un an, on m'aurait dit que ce soir ça se passerait comme ça, j'y aurais pas cru. Sur ce but, il y a tout ça qui est ressorti. En froid avec Didier Deschamps après une défaite infamante en Albanie il y a un an, Dimitri Payet a obligé le sélectionneur à le rappeler après une saison exceptionnelle à West Ham en Angleterre. Je pense que je vais le mettre dans les glaçons là, en attendant les prochains matchs pour qu'il lui arrive rien de, de grave. Avec 3 buts et 2 passes décisives lors de ses 5 dernières sélections, le milieu offensif réunionnais a endossé l'habit de leader technique des Bleus et repoussé la concurrence d'Anthony Martial et Kingsley Coman. Et c'est donc Olivier Giroud qui a ouvert le score hier soir, égalisation de la Roumanie sur pénalty, et le chef-d'œuvre donc de Dimitri Payet en fin de match. Voilà le film d'une rencontre qui a mis beaucoup, beaucoup de temps à se lancer. La pression sur les épaules des Bleus était très lourde, confirmation de Blaise Matuidi. Il a fallu aller le chercher, on allait le chercher avec le cœur, avec le talent. C'est vrai qu'on n'a pas fait un très beau match, mais on le savait que le match d'ouverture, ça allait être compliqué. En plus, ça fait 2 ans qu'on n'a pas fait de match de compétition. Il fallait ce premier match pour qu'on puisse se lâcher par la suite. Peut-être que dans le jeu, on était moins bien, mais on y a mis le cœur et ça, c'était essentiel. Un match d'ouverture, c'est toujours compliqué, d'où les errances d'hier soir. C'est aussi l'analyse de Jérôme Roten de la Dream Team RMC. Rentrer dans une compétition, c'est toujours compliqué. Il y a des choses à corriger. Il faut pas mettre que cette pression négative sur l'ensemble du contenu. Oui, il y a eu des défaillances de certains joueurs. Oui, il faut qu'ils retrouvent peut-être une forme physique digne de ce nom. Mais quand vous gagnez, c'est plus facile de se dire les choses. Le sélectionneur aura des choses peut-être dures à dire à certains joueurs, mais ils les accepteront parce que il y a eu 3 points au compteur. Et ça, c'est le plus important pour retrouver cette fameuse confiance qui va faire la différence. Voilà pour le sport, contrat rempli donc pour les Bleus. L'organisation maintenant, là aussi contrat rempli, tout s'est bien passé hier soir autour du Stade de France, autour des fanzones également. Les supporters ont pu vibrer, trembler et exploser de joie en fin de match hier soir. Wilfried Templier, vous avez suivi vous le match avec une famille toulousaine euphorique. Oui, tous attendaient ce fameux soir avant le match. Alexia prépare de quoi grignoter, car pour 35, il faut s'organiser. On a demandé à amener des salades, des tartes, des desserts. Les premiers invités arrivent. Bonjour, bonsoir. Et autour d'un verre, Cédric savoure et prédit l'avenir. On va chasser un petit peu les soucis qu'on a depuis quelques temps et quelques mois. Pronostic 2-1 pour la France. Mais Giroud et allez, Payet. Après la Marseillaise, on essaye de pousser. Mais c'est dans le deuxième mi-temps que ça se passe. But de Giroud. Puis, après l'égalisation roumaine, la délivrance Dimitri Payet. Après l'euphorie, Cédric espère encore voir l'avenir. Que ça continue, en espérant que ça aille jusqu'au bout, le plus loin possible en tout cas. Et la nuit leur appartient, car comme le dit Soraya, à Toulouse... Troisième mi-temps, on est en terre de rugby, donc troisième mi-temps. Chez Ludo et Alexia, à Toulouse ou ailleurs, l'Euro est bel et bien lancé. Voilà le reportage à Toulouse de Wilfried Templier, soirée parfaite. Donc la première d'un mois de football avec la suite. Aujourd'hui, l'autre rencontre du groupe de l'équipe de France, notamment elle opposera la Suisse à l'Albanie, puis le groupe B, Pays de Galles, Slovaquie, et puis ce soir surtout à Marseille, Angleterre. Russie, match classé à haut risque en cause. Les supporters des deux équipes, 7 Anglais, ont déjà été interpellés hier soir dans des affrontements avec les forces de l'ordre. Florent Germain, ces forces de l'ordre justement seront très très largement déployées ce soir. Oui, les deux dernières soirées émaillées d'incidents ont été longues. Cette journée d'Angleterre-Russie sera très longue également. Plus de 20 000 Anglais et 10 000 Russes sont à Marseille et le millier de policiers mobilisés face à un véritable défi sécuritaire. Des milliers de Britanniques ont en effet pris leur quartier dans les pubs du centre-ville et ses ruelles, un endroit beaucoup plus difficile à encadrer que la fan zone située près des plages. Au rythme des pintes de bière avalées par les supporters sous la chaleur, Marseille vit donc dans l'angoisse de devoir assister à de nouveaux affrontements entre Anglais, Russes ou jeunes Marseillais prêts à en découdre. Le départ vers le Vélodrome se fera d'ailleurs sous haute surveillance. Les Russes et les Britanniques auront un itinéraire différent et obligatoire pour se rendre au stade. Marseille ne veut surtout pas revivre des scènes d'émeutes qui avaient éclaté lors d'Angleterre-Tunisie en 1998. Et le coup d'envoi sur la pelouse, cette fois-ci, c'est à 21h, 9h05 sur RMC. Le reste de l'actualité, je vous en parlais en titre, hommage à la hauteur du personnage hier à Louisville dans le Kentucky aux États-Unis. Les funérailles du boxeur légendaire Mohamed Ali, une procession de 30 km de long en tout, impressionnant. Et c'est l'ex-président américain Bill Clinton qui a prononcé l'éloge funèbre. Je crois qu'il a décidé très jeune d'écrire l'histoire de sa vie. Il a décidé qu'il ne serait jamais privé de pouvoir. Il a décidé que ni sa couleur de peau, ni sa situation sociale, ni les attentes des autres ne lui enlèveraient le pouvoir d'écrire sa propre histoire. En France, 11e jour consécutif de grève à la SNCF, trafic légèrement perturbé. Aujourd'hui, 9 TGV sur 10, 6 TER sur 10. Et la contestation, la loi travail qui pourrait peut-être se calmer. Le dialogue pourrait reprendre ce week-end entre la CGT et le gouvernement. La ministre Myriam El Khomri disait vouloir recevoir Philippe Martinez hier quand il le voulait. Le patron de la CGT qui se disait lui aussi disponible. Faire disparaître le carnet de chèques au profit de la carte bleue, voire de l'argent liquide, c'est une ambition du gouvernement et c'est le sens d'une loi votée par l'Assemblée nationale cette semaine. La réduction réduction de la durée de validité des chèques. Elle passe de 1 an à 6 mois, mesure très pratique mais qui ne plaît pas du tout à certains commerçants à bout, par exemple à Toulouse. Quand ils ont des difficultés passagères, ils peuvent faire un chèque qui serait susceptible d'être encaissé plus tard en disant « vous le mettrez à l'encaissement quand je vous ferai signe pour le mettre ». Alors ce sont les seuls types de chèques qui éventuellement peuvent être touchés par cette mesure de gouvernementale de raccourcir le délai de validité d'un chèque d'un an sur 6 mois. Parce qu'auparavant, à peine, à moins que ce soit un chèque qui corresponde à un avoir ou autre, les chèques sont encaissés en général dans le mois, dans les 2 mois, ne serait-ce que par correction vis-à-vis de la personne qui vous fait le chèque. Le témoignage d'Abdou avec Jean-Wilfried Forquès. Une semaine après, c'est encore l'heure de l'état des lieux dans les zones inondées, notamment dans le sud de l'Île-de-France. La Seine, notamment, se retire tout doucement et il faut nettoyer maintenant. C'est pour cela que des maires font appel à la solidarité de tous, à la solidarité de leurs habitants. Arnaud Richard, député des Yvelines, a lancé l'opération. Passé la crue, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même les problèmes commençaient en fait. Il y a déjà des solidarités de voisinage évidemment qui se créent, mais les communes elles ont besoin de bras. Concrètement, ces bras ils vont aider à nettoyer les berges, à nettoyer les maisons pour que les gens puissent se réinstaller. C'est plutôt les petites communes qui ont morflé et qui ont besoin de bras, quoi, voilà, de bras qu'il faut prêt à être solidaire et puis être prêt après à aider et à s'engager pour les autres. Arnaud Richard avec Rémi Barret. Et puis il n'y a pas que le football dans la vie. Et non, il y a aussi le rugby, le money time de la saison de top 14 ce week-end. Les barrages pour accéder aux demi-finales. Montpellier-Castres, ce sera demain. Aujourd'hui, le choc Racing-Toulouse. Des Toulousains plutôt en forme ces dernières semaines, ils doivent aller plus loin, explique Vincent Clerc. On vit une belle saison, franchement. C'était une année pas facile, avec une transition importante. Ça a bien démarré, on a eu un petit coup de mou au moment du tournoi, puis on s'est bien relancé. Tout le monde se sent bien, tout le monde se sent bien sur le terrain surtout, et ça veut dire souvent que c'est parce que ça marche bien aussi dans les vestiaires. Donc ouais, on a un vrai bon groupe, et on a envie égoïstement de se récompenser. Il est 9h09 pile, François Sorel. Les courses pour terminer. Et avec un tiers écarté, quintet plus à Vincennes cet après-midi, Sébastien Darras nous conseille de jouer le 17 Indy Juice et le 16 Aubryon du Gers. Brahim Asloum, lui, est pour le 5 Uccello Somoli. Et Laurent Guédard, quant à lui, retient le 18 Viking Vabene et 9 Anzi des Liards. Le 17, le 16, le 5, le 18 et le 9. PMU.fr, Paris Sportif, Paris Hippique, Poker. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Et dans un instant, deuxième partie de notre week-end des experts maison. Ne jetez plus votre vieil appareil, essayez de le réparer, c'est écologique. Et surtout, le recyclage a des bons côtés. On en parle dans un instant sur RMC avec Christian PC et nos invités. Vos questions, vos réactions, 32-16, à tout de suite. RMC. Votre toit protège votre famille. Mais qui protège votre toit? C'est Ciplast, bien sûr, le leader de l'étanchéité à l'eau, à l'air et au vent depuis 60 ans. Grâce aux barrières radiantes de sous-toiture Thermix et Super Reflex, prolongez la durée de vie de la charpente et augmentez le confort thermique de votre maison en gagnant jusqu'à 6 degrés, été comme hiver. Demandez à votre couvreur et retrouvez toutes nos solutions de sous-toiture sur Ciplast.fr. Et ben voilà, ma facture internet a encore augmenté. Manquez plus que ça. Bah oui, mais prendre bonne résolution, viens chez Free. Tu crois? C'est comment chez Free? Ultra simple. Et surtout avec la Freebox Révolution, tu n'as que de bonnes surprise. Le très haut débit en fibre optique, les appels vers les mobiles inclus, un lecteur Blu-ray, tout pour être heureuse quoi. Merci Free. Offre soumise à condition sous réserve d'éligibilité. Plus d'infos sur free.fr ou au 1044. Carrefour. Oh, tout le jardin est en fleurs. On déjeune dehors? Je sors le barbecue. Il est tout rouillé et t'as vu l'état du salon de jardin? Mais profitons-en, jusqu'à ce soir chez Carrefour, on a 30 euros en bon d'achat par tranche de 100 euros d'achat sur tous les barbecues et le mobilier de jardin. Super! On file chez Carrefour, toi, tu t'occupes des brochettes. Tu t'occupes des brochettes et moi je m'occupe du reste. Jusqu'à ce soir, dans vos hypermarchés Carrefour, profitez de 30 euros en bon d'achat par tranche de 100 euros d'achat sur tous les barbecues et le mobilier de jardin. Bon d'achat valable du 13 au 26 juin. Modalité sur carrefour.fr. Carrefour. Jane Gottegun. Si Bishop veut ta peau, c'est pas un tueur qu'il te faut. C'est tout un régiment. Vous allez fouiller toute cette vallée. Je te tuerai. Nathalie Portman affronte Ewan McGregor. Un western à feu et à sang. Jane Gottegun sur tous vos écrans, DVD, Blu-ray et sur MyTF1 VOD. Avec RMC. RMC jusqu'à 10h, votre maison. Christian Pesset, François Sorel. Il est 9h11, le week-end des experts et la maison. Merci d'être là. Deuxième partie donc de ce rendez-vous. Vous retrouvez chaque samedi entre 8h et 10h. avec Christian Pesset. Christian, on ne va plus jeter, on va réparer. Voilà. Ne jetez plus, réparer, c'était le slogan de la journée de l'entretien et de la réparation qui s'inscrivait dans la semaine du développement durable qui était la semaine précédente. Et donc, évidemment, on va voir comment, alors c'était le slogan des organisateurs, comment encourager les Français à entretenir et à réparer leurs appareils électroménagers, notamment, plutôt que de les jeter. Ouais. Alors, effectivement, on en voit quand même de moins en moins hein, sur... faut dire qu'il y a les systèmes d'enlèvement des encombrants, mais on voit de moins en moins quand même d'appareils, de télé ou de machines à laver sur le trottoir. C'est heureux. Alors nous avons plusieurs invités aujourd'hui, comme d'habitude. Camille Beuredelet, bonjour. Bonjour. Vous êtes déléguée générale du GIFAM, groupement interprofessionnel des fabricants d'appareils électroménagers. Vous étiez à l'origine de la journée de l'entretien et de la réparation. Rachid Elmaouzouni, j'ai bien dit ? Parfait. Bon, merci. Enfin, alors, monsieur poli, hein, parce que c'était pas parfait comme prononciation, si je puis me permettre. Bon. J'essaierai plus tard. Société AFTC, alors vous êtes réparateur et formateur de réparateurs d'électroménager, c'est bien cela ? C'est exactement ça. Donc voilà, c'est vous le monsieur dépannage ce matin. Geoffroy Malaterre, qu'on a déjà vu dans cette émission l'année dernière, vous êtes fondateur de www.spareca.fr. Qui est donc un site spécialisé dans les conseils de réparation, notamment d'électroménager, mais surtout, à l'origine, je pense, de vente de pièces détachées, on peut dire ça ? Exactement. Bonjour. Bonjour. Donc, on va voir les conseils que vous pouvez donner. Et puis, tout à l'heure, on aura Philippe Caner, qui est un des fondateurs de 4 Repair Cafés. On va voir ce que sont que les Repair Cafés. C'est un concept communautaire qui vise à réunir des gens dans un contexte convivial. C'est un café où on répare, en gros. Différents. Ouais, c'est pas vraiment... Voilà. C'est pas ça. Donc, on va voir. Ça vient des Pays-Bas hein, comme concept. Et puis vous m'avez gardé quand même. Je vous ai gardé pour vous faire plaisir. La cerise sur le gâteau. Oui, ça c'est Jean-Philippe bien. Alain, responsable de la veille et de l'innovation chez Boulanger, pour nous parler de la possibilité de fabriquer soi-même certaines pièces des matériels électroménagers de la marque avec une imprimante 3D. Vous en aviez déjà parlé. Oui, par exemple, vous cassez le bouton de votre grille-pain, par exemple. Eh bien, au lieu de l'acheter neuf, eh bien, vous allez l'imprimer et le recevoir après. Oui, l'imprimer, c'est-à-dire on comprend pas toujours très bien. C'est l'impression 3D en intelligent. Fait. Imprimante 3D, c'est-à-dire. Merci de le signaler, de le souligner. Ça fait vous plaisir. Savez qu'avec des imprimantes 3D, on peut même construire des maisons. Oui. Il y a eu des maisons qui ont été construites avec des imprimantes 3D géantes. Tout à fait étonnant. Camille Beuredelet, vous êtes donc du GIFAM. Ce GIFAM, c'est le groupement donc des fabricants d'électroménagers. C'est ça, qui représente les grandes marques d'électroménagers. D'accord. Alors d'habitude, on avait plutôt l'impression que vous vouliez vendre du matériel neuf à tout va. Et là, vous vous mettez à dire qu'il faut les réparer. Pourquoi vous n'arrivez plus à les construire? Si on arrive encore, heureusement, on vend encore des produits neufs. Oui. Je crois que c'est pas nouveau que les fabricants d'appareils électroménagers sont engagés dans la réparation. Ça fait des années. En revanche, c'est vrai que peut-être qu'on communiquait pas suffisamment sur le fait que les produits sont réparables. Et ce à quoi on est confronté aujourd'hui, c'est que beaucoup de consommateurs, lorsqu'ils sont face à une panne, n'ont même plus le réflexe. On leur a tellement rabâché des histoires sur l'obsolescence programmée. Ouais, est-ce que c'est vraiment que des histoires? Bah, écoutez, on en discutera avec Rachid qui va, lui, vous parler des produits très techniquement. En électroménager, c'est vraiment un mythe. Hein. Les pièces détachées, dans la fin des années 90, on a créé une plateforme où aujourd'hui, on référence plus de 2 millions de pièces pour réparer le parc. Il va y avoir une obligation, d'ailleurs, sur l'étiquetage, non? Alors, sur l'étiquetage est déjà en place depuis le mois de mars 2015. Donc, c'est en train d'arriver dans les magasins et qui va informer le consommateur sur la durée pendant laquelle le fabricant s'engage à fournir des pièces détachées. Donc, ça lui donnera une indication sur la durée pendant laquelle, malheureusement, s'il est face à une panne, il peut faire réparer son appareil. Mais vous avez beaucoup d'appareils, j'imagine, qui arrivent de destinations lointaines et qui, pratiquement, sont faits pour être repris, puisqu'il y a même sur les sites internet, par exemple, on vous encourage très nettement à une garantie de 2 ans ou de 3 ans avec remplacement à neuf. Alors, c'est pas la politique des marques. Hein. Moi, aujourd'hui, je représente les grandes marques qui sont installées sur le marché français depuis des années. Vous êtes gentil. Ça, je vous laisse. Je vous laisse le penser. La politique des marques, vous savez, on est sur un marché qui est extrêmement concurrentiel. Une marque, si elle déçoit son consommateur, c'est sûr que le consommateur au moment du rachat va partir sur la marque d'en face. Donc elle a vraiment tout intérêt à proposer un moyen de réparation si le consommateur le souhaite. On pourrait aussi débattre des marques bidons, parce que je veux dire, on voit les mêmes matériels avec des marques célèbres mais qui ne font plus rien ou qui n'existent plus, qui ne sont que des licences. Faut le dire quand même, ça existe. Il y a des licences de marques, mais il y a encore beaucoup de fabricants européens sur le marché. Aujourd'hui, plus de 80% du marché est quand même proposé par des marques qui sont installées depuis des années. En gros électroménager, mais également en petit, on a des leaders. Il nous reste encore quelques leaders français. Et donc, évidemment, on encourage aussi les consommateurs à se tourner vers des produits où ils ont une certaine confiance, justement, dans la marque. Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup, alors ça a été très à la mode ces derniers mois, d'obsolescence programmée. Oui. C'est-à-dire d'un appareil qui serait conçu pour casser au bout d'un certain temps. Alors vous allez me dire que ça n'existe pas, parce que c'est pas dans l'objectif des marques d'imaginer cette stratégie-là. Bien sûr que non. C'est là où il y a vraiment un déficit de compréhension et de communication. Je vous le dis, on est dans un marché très concurrentiel. Il y a plus d'une centaine de marques sur le marché français. Lorsque votre objectif en tant que marque, c'est de fidéliser votre consommateur. On a dans l'électroménager, il y a tellement de marques que quand vous interrogez le consommateur sur de quelle marque est sa machine à laver, en général, il sait même pas. Il sait qu'il a quelques marques, il en a deux trois en tête, mais on n'est pas, par exemple, comme dans d'autres secteurs, comme le brin, où là, la marque est plus connue du consommateur. C'était d'ailleurs une des pubs d'un grand de l'électroménager. On demandait, tu connais la marque de ta machine? Et il disait non. Ouais. Et c'était justement pour mettre en valeur qu'il n'avait jamais eu de problème avec son appareil. Quoi. Ouais. Mais c'est souvent, en fait, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'on oublie son électroménager et malheureusement, on s'en rappelle qu'au moment où on a un problème. Et les Français vivent très mal. Aujourd'hui, le fait d'être confronté à une panne. Aujourd'hui, on vit plus sans frigo pendant une journée. On vit plus sans machine à laver pendant une journée non plus. Ça, c'est vrai. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument, nous, notre message lors de la journée de la réparation, ça a été d'abord de sensibiliser à l'entretien, parce que ces appareils, ce sont des appareils qui s'entretiennent, et une grande majorité, sur certains produits, 60% des pannes sont liées à un défaut d'entretien. Donc il faut apporter des messages pédagogiques aux consommateurs sur l'entretien. Et quand vous êtes face à une panne, nous, ce qu'on veut dire, c'est que oui, il y a une filière qui est capable de vous aider pour réparer cet appareil. On va en parler avec Rachid de le changer. Et on n'est pas obligé de le changer. Voilà. Jean-Pierre sera avec nous aussi dans un instant, d'accord. Christian. Alors lui, il veut recycler son vieil ampli tunerifique qui a 20 peut-être ans. Peut-être le réparer, non? Voilà. On va voir. Aussi. Non, on peut le recycler. Enfin, ouais, non, c'est pas le recycler, c'est le. Vous voulez qu'il le jette déjà? Non, justement. Vous êtes obsolescent programmé. On en parle dans un instant. Jean-Pierre sera là. Et puis, si vous voulez nous joindre ce matin, le 3216 ou maison@rmc.fr. À tout de suite. Le week-end des experts sur RMC, votre maison. Carrefour Market. Moi, je préfère ce qui est tout frais. Les fruits qu'on vient de cueillir, les fleurs du jardin, celles qu'on vient à peine de couper. Et le poisson qu'on vient de pêcher, Michel. Chez Marquette, la queue de lotte est à seulement 11,95 € le kilo. Oh, quelle fraîcheur! On sent presque les embruns. Oui, mais c'est seulement jusqu'à ce soir. Alors vite, allons cueillir la lotte. Enfin, la pêcher. Enfin, on se comprend. Carrefour Market, le plein de fraîcheur et d'économie. Pêcher en Atlantique Nord-Est, magasin participant sur carrefourmarket.fr. Sir Edwards, Sir of Scotland. La légende raconte que Sir Edwards aurait été un Écossais authentique et généreux, et qu'il aurait été élevé dans un fût de chêne. Ou bien est-ce le whisky Sir Edwards? Sir Edwards, Sir of Scotland. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Petit message Peugeot en forme de tutoriel. Salut! Aujourd'hui, comment prendre soin de ta Peugeot avec un ordinateur, une tablette ou un smartphone? Alors c'est super simple, tu vas sur internet et tu tapes l'URL rendez-vous en ligne-peugeot.fr. Sélectionne le point de vente le plus proche de chez toi, clique sur la date et l'horaire qui t'arrange et tu valides ton choix. Prenez rendez-vous ou faites réaliser un devis pour l'entretien de votre Peugeot 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 en vous connectant sur rendez-vous en ligne-peugeot.fr. Mardi, rendez-vous au meeting d'athlétisme de Nancy pour la deuxième étape du Pro Athlé Tour avec RMC. Encouragez Mayedine Mekissi, Dimitri Bascou, Johan Diniz, Dairon Robles, Christophe Lemaitre et bien d'autres stars de l'athlétisme français et mondial sur la route des Jeux Olympiques. Info et réseau sur lna.athlé.com. Le meeting de Nancy avec RMC. Les bons plans au champ, c'est maintenant. En ce moment, en magasin et sur Auchan.fr, les rosés sont à l'honneur. J'adore découvrir les saveurs de chaque région, les arômes des bandoles, le caractère des Bordeaux, la belle robe des rosés de Provence. Par exemple, jusqu'à ce soir, en magasin, pour l'achat d'une fontaine à vin de 3 litres de Coteaux Varois Cellier de la Grande Bleue, la seconde est offerte, soit 13,98 euros les deux, au lieu de 27,96 euros. 13,98 euros les 6 litres de rosé ? Auchan, la vie que j'aime. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. RMC jusqu'à 10h, votre maison. Christian Pesset, François Sorel. Il est 9h22, c'est RMC, le week-end des experts, la maison, Christian. Ce matin, on essaie de donner une seconde vie à notre appareil cassé, voilà, plutôt, ou en tout cas en panne. Plutôt que de le jeter, réparez-le, c'est un des conseils que donne notamment le GIFAM. Rachid, vous êtes réparateur, dépanneur, et vous formez de plus en plus de gens justement pour intervenir. Alors je sais que vous n'osez pas, mais c'est Rachid El Maouzouni, comme ça au moins c'est dit. Et puis voilà, il y a pas de souci, c'est bien comme ça. Hein, c'est exactement ça. Parfait. Tout à fait. Oui, notre métier c'est ça, c'est exactement ça. La réparation et la formation des revendeurs et des installateurs, oui, des techniciens. Donc en fait, on a constaté qu'il y a un gros problème en fait au développement de l'obsolescence de la réparation. Donc un obstacle à la réparation, c'est d'abord le prix très bas des produits d'attaque, des produits d'attaque. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui on a des machines à laver à 200 euros. Exactement. Et quand ça tombe en panne, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est parce que finalement le coût de la réparation va coûter plus cher que le prix de la machine, quoi? Ça c'est un obstacle à la réparation. Il y a aussi la garantie champ standard. Quand on veut acheter un produit, on nous dit tout de suite en fait que on va vous en donner un neuf s'il tombe en panne. Exactement. Ouais. On va non, mais ça c'est une option, c'est payant, ce genre d'assurance. La plupart à du peine. Temps. C'est à peine quand payant. Même. Oui, mais c'est. Oui, mais ça se rajoute qu'à un prix qui est déjà très bas. Donc oui, finalement, ça revient à un produit de milieu de gamme, quoi. Alors, Rachid, Jean-Pierre est avec nous et je crois qu'il a une question pour vous. On va l'écouter tout de suite. Bonjour Jean-Pierre. Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Alors moi, ça concerne pas de l'électroménager, ça concerne un appareil Hi-Fi. J'ai un ampli-tuner de marque Onkyo qui fonctionnait depuis 22 ans formidablement bien. Très bonne marque, et... Onkyo en plus, oui, marque japonaise bien, de Hi-Fi. Oui, et depuis quelque temps, il se met en protect, c'est-à-dire qu'il disjoncte dès que je l'allume, que les enceintes soient branchées ou non. Et donc, je me suis renseigné un petit peu sur Internet. Il y a un régulateur de tension à changer. D'abord, il faut l'identifier dans l'appareil, ce qui n'est pas facile pour quelqu'un qui n'y connaît pas grand-chose comme moi. C'est une pièce qui coûte 3,50 €. Complètement. Que l'on peut se procurer un petit peu partout. Mais le problème, c'est de trouver quelqu'un pour le faire. Alors Rachid, comment on peut aider Jean-Pierre là? Oui, alors en fait, on a certains réparateurs encore qui réparent aux composants sur la région parisienne ou même un peu partout. On trouvera toujours des réparateurs qui vont réparer aux composants. C'est-à-dire que nous-mêmes, on commande la pièce sur Internet, on apporte l'appareil et la pièce, et quelqu'un se charge de la remplacer. En fait, si on est un peu connaisseur, évidemment, on va détecter le composant qui est défectueux dans l'appareil, et puis on le commande. Mais si on ne connaît pas évidemment le produit, on ne connaît pas le métier, bah, y a des réparateurs spécialisés qui vont encore réparer aux composants, et là, il faut s'adresser à ce genre... Mais ça coûte cher, ce genre de réparation? Le monsieur, il l'a dit lui-même, le composant lui-même ne coûte pas très cher. Les fabricants, évidemment, fournissent les pièces détachées pour pouvoir réparer ces produits-là. Donc les composants, ils coûtent pas cher. Ce qui peut coûter cher dans la réparation, et ce qui coûte cher dans la réparation, quelle qu'elle soit, c'est le déplacement, d'accord, et le coût de la main-d'œuvre. Donc déjà, un conseil, dès que vous pouvez apporter l'appareil chez le réparateur, vous allez du coup jouer déjà sur une partie importante du coût de cette réparation. Vous avez déjà gagné 150 euros, quoi. Non, parce que le prix moyen, c'est pas vrai. Non, le prix moyen d'un devis de réparation, le prix moyen d'une réparation, c'est 130 euros. D'accord. Donc, effectivement, parfois, le ratio entre un produit neuf et, là, je parle d'un prix moyen quand il y a un déplacement chez un consommateur. Mais de plus en plus de consommateurs, et ça, on le voit surtout en région, vont apporter eux-mêmes l'appareil chez le réparateur. Et du coup, ça permet de faire baisser ce coût. Enfin, cela dit, bon, un ampli, c'est facile, mais une machine à laver la vaisselle, je suis d'accord, compliqué, c'est pas quand même facile, mais on le remarque en région, et ça, excusez-moi de vous le dire, mais c'est une bonne réaction de Parisien. C'est-à-dire que, en fait, beaucoup de gens en région, ont des voitures et c'est pas si compliqué d'amener sa machine. C'est vrai qu'à Paris, on ne le fait pas. J'ai eu la même réaction que vous. Hein. Ouais. Mais en fait, ça se fait beaucoup déjà et on peut encourager. En tout cas, c'est un des moyens de jouer sur le coût de la réparation puisque c'est vraiment ça aujourd'hui le problème. Hein. Christian, on revient après la météo et les infos de 9h30. Et on poursuit sur ce sujet. D'ailleurs, si vous voulez poser votre question ou témoigner, allez-y 3216 ou maison@rmc.fr. Rejoignez les experts maison sur leur page Facebook, votre maison sur RMC. La zone anti-bichère est chez Intermarché pour encore une semaine. Et cette semaine, grâce à 50% de remise immédiate, la bouteille d'huile d'olive Gallo de 75 centilitres est à seulement 3,37€. 3,37€. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Soit 4,49€ le litre du 7 au 12 juin, magasin participant sur intermarché.com. Pour votre santé, bougez plus. Quand les plus grands joueurs européens rencontrent la meilleure compagnie aérienne d'Europe. C'est avec fierté que nous sommes sponsors de l'Euro 2016. Vous êtes passionné de foot et vous soutenez l'équipe de France? Prenez une photo, partagez-la avec le hashtag EuropeBest et tentez de gagner votre place pour assister à un match de la France. Turkish Airlines. Pain délicieusement croustillant cherche fromage au cœur tendre pour être son partenaire de tartine. Justement chez Grand Frais, le coulommier au lait cru est à 9,90€ le kilo seulement. Le meilleur marché, c'est Grand Frais. Jusqu'au 11 juin, affiné dans la Meuse, 22% de matière grasse sur produits finis. Pour votre santé, bougez plus. Bonjour patron. Oh bah dites donc, vous avez pris un peu, non? Mais enfin Berthier, vous vous sentez bien? Ah oui, très très bien. On se sent très très bien au volant d'une Citroën avec un an d'assurance offert. Dépêchez-vous du 10 au 20 juin avec Citroën Assurance. Votre première année d'assurance est offerte sur toute la gamme Citroën. Portes ouvertes ce week-end selon autorisation. Citroën. Hors vitamines et véhicules électriques soumis à conditions sous réserve d'acceptation de l'assureur dans les points de vente participants. Conditions de l'offre détaillées sur citroën-assurance.fr. Vendredi 17 et samedi 18 juin, assistez aux demi-finales du top 14 avec la Ligue Nationale de Rugby et RMC. Au Roazhon Park Arena, les 4 meilleurs clubs de rugby français se rencontrent pour une place en finale dans le mythique Camp Nou à Barcelone. Info et billetterie sur lnr.fr. Les demi-finales du top 14, vendredi 17 et samedi 18 juin à Rennes avec RMC. Jusqu'au 20 juin, c'est les ventes privées chez Conforama. Et grâce à la carte Confo Plus, c'est l'occasion de profiter de remises exclusives allant jusqu'à moins 50%. Alors, c'est pas beau d'être un privilégié? Conforama, il ne tient qu'à vous d'en profiter. Adhésion à la carte Confo Plus en magasin, voire conditions sur conforama.fr. La météo sur RMC, la météo de votre week-end avec Yasmina Benbekaï. Et malgré votre beau sourire, Yasmina, communicatif, sympa. Ça va être compliqué. Non, hein. Ouais, ça va pas suffire en fait, c'est ça le problème. Ouais. C'est que le temps est vraiment instable et gris sur la moitié nord du pays avec des averses qui sont nombreuses et puis même des orages au nord-est. Sur les régions du sud, en revanche, le temps est beaucoup plus calme, surtout près de la Méditerranée où là, le temps est sec avec du soleil. Demain dimanche, ça restera gris, maussade, du soleil toujours près de la Méditerranée. Les températures, elles sont en baisse, 18 degrés cet après-midi à Brest, 19 à Cherbourg et à Bourges, 20 degrés à Paris et à Nantes, 21 degrés à Strasbourg et à Clermont-Ferrand, 22 degrés à Bordeaux, 28 à Marseille et 29 degrés à Nîmes. Profitez d'un moment de détente avec piscine-hydrosud.fr, site internet et magasin spécialiste de la piscine. C'est RMC, pile 9h30, un point sur l'actualité. Thomas Chupin, bonjour Thomas. Bonjour François, bonjour à tous. Que s'était tendu sur la pelouse du Stade de France hier? Les Bleus ont eu du mal à se libérer. Il aura fallu l'exploit de la nouvelle idole, Dimitri Payet. 89e minute, superbe frappe en lucarne qui donne la victoire à l'équipe de France pour son premier rendez-vous avec son Euro de football. Victoire 2-1 face à la Roumanie. Les Bleus bien partis, même si les deux leaders, Pogba et Griezmann, n'ont pas vraiment convaincu hier soir. La fête a malgré tout été totale. La fête au Stade de France, aucun problème repéré pour s'y rendre ou pour en sortir. La fête également sans accroc dans toutes les fan zones du pays. Voilà donc l'Euro lancé, un mois de football avec aujourd'hui dans le groupe des Bleus la deuxième rencontre entre la Suisse et l'Albanie. Et puis le groupe B, Pays de Galles face à la Slovaquie. Et ce soir à Marseille, Angleterre, Russie, match jugé à haut risque par les organisateurs. Les supporters anglais ont déjà montré de quoi ils sont capables. 7 d'entre eux interpellés hier, notamment dans le centre-ville de Marseille où les supporters se sont confrontés aux forces de l'ordre. Le reste de l'actualité à l'étranger, les obsèques normes de la légende Mohamed Ali, c'était hier à Louisville aux États-Unis. Éloge funèbre prononcé par l'ancien président Bill Clinton et une procession d'une trentaine de kilomètres pour rendre hommage à l'un des plus grands boxeurs de tous les temps. L'étranger, c'est aussi la Syrie, la fermeté de Jean-Marc Ayrault cette nuit, le ministre des Affaires étrangères qui dénonçait la duplicité du régime de Damas, régime qui a bombardé la ville de Daraya au sud de la capitale alors que le régime venait d'autoriser une distribution d'aide humanitaire. En France, les grèves encore et toujours, 11e jour de mobilisation, la SNCF et la RATP, 9 TGV sur 10, aujourd'hui 6 TER sur 10, perturbation également sur les RER. Et puis premier jour de grève cette fois-ci à Air France, mouvement lancé par le syndicat des pilotes de ligne, 70 à 80% du trafic sera assuré ce samedi, 9h31 sur RMC. Votre maison, vous êtes avec François Sorel et Christian Pesset. Merci beaucoup Thomas et on se retrouve demain matin. Avec plaisir bien sûr. Et prochain point sur l'actu sur RMC, ce sera tout à l'heure à 10h juste avant les GG du sport. Et dans un instant, nous sommes là de retour avec Christian Pesset qui n'est pas en obsolescence programmée. Lui, il n'est jamais obsolète. C'est notre docteur bricolage et il m'accompagne jusqu'à 10h avec nos invités. On essaie de réparer vos appareils aujourd'hui domestiques au lieu de les changer. A tout de suite. RMC, le week-end des experts. Votre maison, François Sorel, Christian Pesset. Le retour du week-end des experts, c'est la maison avec Christian Pesset, nos invités. Christian, ce matin, on répare au lieu voilà, de changer. Voilà, ce matin, on répare au lieu de changer. On est avec un certain nombre d'invités. Camille Beredley, qui est de Lugifam. Rachid Elmaouzioni. J'avais bien dit là, à peu près, hein, ça y va. Bon, et puis... Rachid n'ose pas, mais regardez, il rigole. Qui est dépanneur, réparateur et formateur. Et Geoffroy Manater, donc, est fondateur du site smareka.fr. Geoffroy, vous pouvez nous expliquer ce qu'est ce site, qui à l'origine, je crois, était un site avant tout de vente de pièces détachées d'électroménager. Et donc, maintenant, c'est aussi un site d'explication, d'information. Alors, Spareka, c'est surtout le site qui va vous permettre de réparer vous-même votre électroménager. Ça va pas plaire à Rachid, ça. Non, pas du tout. ça vous plaît pas ou c'est pas grave? Non. Nous, en fait, on réserve évidemment la réparation plutôt au technicien. On pousse évidemment à que le technicien, le professionnel, c'est lui qui intervient sur le produit. Maintenant, c'est vrai qu'il y a certaines pannes que le consommateur peut lui-même réparer. Et là, des sites évidemment comme Spareka. Alors, Geoffroy, c'est quoi chez vous, d'après votre retour du site, c'est quoi la panne la plus classique sur laquelle vous avez à intervenir en matière de fourniture de pièces ou d'informations? Alors avec Spareka, on a trois étapes. La première étape, c'est en effet le diagnostic de la panne. Et là, on arrive avec nos diagnostics en ligne à faire en sorte que le client identifie tout seul sa panne. Avec des constats très simples, à la portée certes des techniciens, mais aussi de tout un chacun quand on arrive à le guider. Parce qu'en fait, réparer, c'est assez facile sur un bon 80% des pièces détachées. Il y a 20%, c'est plus compliqué, mais sur 80% des pièces détachées, on arrive facilement à réparer. Les pannes les plus fréquentes, c'est évidemment sur des lave-linges, lave-vaisselle. Dès qu'il y a de l'eau, il y a plus de pannes. Nous, on peut le voir à travers deux choses. D'abord, nos ventes de pièces détachées, bien sûr, mais aussi sur notre chaîne YouTube, où on a plus de 3 500 000 vues sur l'ensemble de nos tutoriels, quasiment 300 tutoriels. Et le tutoriel le plus vu, c'est le dépannage de la pompe de lave-linge. La pompe du lave-linge. Voilà. Alors, ou du lave-vaisselle aussi, non? Oui, aussi. En fait, là-dessus, on a pas mal. On a la courroie aussi du lave-linge. Voilà, on a quand même beaucoup de pannes qui reviennent sur le lave-linge, le lave-vaisselle. Un petit peu moins sur les réfrigérateurs, sur les fours, mais quand même. Ce qui est sûr, c'est que bien sûr, vous pouvez faire intervenir votre réparateur. Ah oui. Mais combien ça va vous coûter combien? 130 euros tout à l'heure, on disait. Chez nous, chez Spareka, on vous aide à identifier la panne. On vous vend la pièce détachée pour 40 euros. Et ensuite, on vous montre une vidéo qui dure non pas 15 minutes, non pas 20 minutes, mais 3 minutes pour dépanner vous-même votre appareil. 3 millions de vues, 40 euros pour dépanner soi-même. Bien sûr que ça ne plaît pas aux réparateurs. Mais combien d'entre nous se sont retrouvés face à un réparateur qui arrive devant son... Il faut être un peu débrouillard, il faut aussi... Enfin voilà, il faut avoir le courage de le faire, etc. C'est vrai, il faut avoir le courage. Voilà. Et de plus en plus... Les outils, oui, alors il faut un tournevis, c'est vrai. Si vous n'avez pas de tournevis, vous n'y arriverez pas. Mais si vous avez un tournevis, vous y arrivez. Et c'est vrai que nos clients, parce que ils ont un peu peur au départ, éprouvent une très grande fierté à avoir réparé et communiquent auprès d'eux. C'est certain. Petit à petit, de plus en plus de gens se disent mais bien sûr, allons-y. Tout à l'heure, vous parliez des appareils pas chers. La limite psychologique pour réparer son appareil, c'est grosso modo 25% de la valeur perçue de son appareil. 200 euros, 25%, ça fait 50 euros. Vous n'allez pas appeler un réparateur, donc vous risquez de la mettre à la benne, votre appareil. Avec Spareka, votre pièce, c'est 40 euros, vous la réparez. Peut-être que Camille Bordelais n'est pas forcément tout à fait d'accord. Non, je suis pas d'accord. Au contraire, je trouve que ça répond à ce que propose Spareka, ça répond à ce que veulent faire un certain nombre de consommateurs. Nous, on l'a identifié, on a interrogé des consommateurs pour leur demander, face à une panne, qu'est-ce qu'ils ont fait. Et on voit que 20% d'entre eux, un peu moins, 19%, ont souhaité réparer eux-mêmes l'appareil. Mais on voit que dans une très grande majorité des cas, il n'y avait pas vraiment d'achat de pièces. En fait, on est vraiment sur de la maintenance et de l'entretien un peu poussé. Donc pour ces gens-là, c'est super que y ait une réponse telle que celle de Spareka, mais il y a encore plus de 80% des gens qui n'ont pas envie de mettre eux-mêmes, pour des questions de sécurité, les doigts dans les appareils. Juste une question, si notre appareil est sous garantie, il faut pas faire ça. Ah non, on perd la garantie. Bien sûr. D'accord. Rachid, très rapidement. Oui, alors en fait, il y a deux choses. Il y a l'aspect déjà de la garantie. Quand l'appareil est sous garantie, on ne touche pas, évidemment, c'est le technicien de la marque qui vient réparer ou des distributeurs. Mais par contre, il y a aussi l'aspect aujourd'hui sur les produits, il y a de plus en plus de technologies embarquées. Et souvent, en fait, même le technicien qui n'est pas très bien formé, il aura du mal à déceler la panne, étant donné que la technologie dans la machine est embarquée. Donc, du coup, il faut une certaine connaissance, évidemment, avant de pouvoir maîtriser. Non, ça, c'est un discours pour faire peur. Moi, j'y crois pas à ça. Je pense que pour changer votre courroie, vous avez pas besoin d'un technicien et il y a pas d'électronique embarquée pour une courroie. C'est vrai. Alors, franchement, pour certaines pannes, je suis complètement d'accord avec vous. Remplacer un courroie, c'est à la portée de tout le monde, c'est vrai. Il suffit uniquement, évidemment, de prendre quelques précautions de sécurité. Notamment, évidemment, pour pouvoir remplacer cette pièce-là sans danger. Donc, ça, c'est vrai. Mais par contre, on a pas mal de pannes liées, à l'électronique. Exactement. Pas l'électronique. Pas forcément. Franchement, c'est à la complexité du produit. Aujourd'hui, on a des machines qui sont complètement automatiques. On est passé, en fait, d'un produit mécanique à un produit automatique. Aujourd'hui, en fait, les produits automatiques, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la machine qui va décider de tout, du temps du cycle, du programme, de la quantité d'eau qui va choisir. Il va aussi détecter la salissure de l'eau pour pouvoir rajouter ou pas un rinçage ou supprimer un rinçage. Il suffit qu'une sonde soit sale ou un truc comme ça, ça marche plus. Complètement. C'est pour ça. C'est vrai, mais attendez, on dit la même chose pour l'automobile. Oui, mais la plupart. Et en fin de compte, 80% de l'automobile, ça reste de la mécanique. La plupart des constructeurs, ils ont mis en place des infrastructures, notamment des logiciels pour détecter des pannes plus poussées. Et ça, je pense pas qu'un consommateur puisse le faire lui-même chez lui. Alors, Marek est avec nous au 3216. Il voulait réagir justement parce qu'il a voulu visiblement réparer son lave-vaisselle. Bonjour Marek. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui vous est arrivé? Tout simplement, j'ai un lave-vaisselle de Thomson là, qui a plus de 10 ans. Là, et donc, à un moment, il s'arrête en cours de route et il y a le système anti-fuite qui s'était mis en marche. Je n'avais pas de fuite visible, mais bon. Donc, je me suis dit, que faire? Il a plus de 10 ans, est-ce que j'en rachète un nouveau ou je le fais réparer? Et puis, bon, je connaissais un réparateur qui était déjà intervenu pour autre chose, que je trouvais bien et compétent. Et donc il est venu une première fois, il m'a dit « Ah, c'est tout encrassé, il a tout nettoyé le circuit. » Il dit « Ça, c'est bon. » Et donc il est parti, j'ai remis le soir de la vaisselle, et au bout d'une demi-heure, système anti-fuite qui se remet en marche. D'accord. Donc j'ai essayé de le rappeler, il est revenu 2 semaines après, et donc là, il a tout démonté, il a regardé, en effet, il y a une petite fuite, ça faisait du goutte à goutte, et il m'a dit « Voilà, il faut changer ce joint-là. » Bon, le Brandt, ils en ont encore, j'ai regardé, mais ça va être long. C'est Brandt ou c'est Thomson, votre affaire? Alors, c'est Thomson, mais les pièces détachées, apparemment... Sans gérer par Brandt. C'est Brandt qui gère les pièces détachées. Mais on n'entre pas dans un problème spécifique qui sont les difficultés de Brandt il y a quelques années, non? De mémoire, chez Brandt, ça va être long. Mais il m'a dit 1-2 mois, mais bon, il y a un site internet... Sauf que voilà, ça fait 4 mois que j'attends, je téléphone toutes les 2 semaines, j'ai l'impression de me faire bananer, mais je sais pas par qui. Je sais pas si c'est le réparateur qui... Il me dit, je vais sur le site de prendre, c'est en cours d'expédition. Mais ça fait 1 mois et demi que c'est en cours d'expédition, la pièce. Et tout ça pour un joint, en fait. Pour un joint, le joint de contour de Oui. Voilà. Alors, je sais pas si les joints ça se colmate, si y a autre chose à faire, mais voilà, je suis pas spécialement très bricoleur. Camille Beredley. Oui, bonjour Marek. Bonjour. Alors, effectivement, il peut avoir des problèmes spécifiques liés à des histoires de marque ou d'un produit en particulier. Je pense que là, vous parlez d'un produit qui est quand même très ancien, c'est-à-dire qu'il y a plus de 10 ans. Et donc, il faut aussi vous poser la question. Nous, alors, on prône la réparation, mais il faut aussi être raisonnable. C'est-à-dire que, à un moment, il faut aussi vous poser la question, qu'est-ce qui est mieux pour l'environnement? Est-ce qu'il faut mieux que je me déleste du produit qui va aller être recyclé? Et le cas échéant, acheter un produit qui va consommer beaucoup moins que faire absolument réparer mon produit à tout prix. Donc je crois qu'aux alentours de 10 ans, la question se pose, 10, 12 ans, ça dépend, la question se pose, c'est quoi le bon geste environnemental? Est-ce que je crée un déchet en sachant qu'il va être recyclé? Mais là, pour Marek, c'est compréhensible, c'est un joint. Donc c'est pas comme s'il y avait un gros truc qui avait explosé. C'est vrai, mais vous savez, les produits électroménagers ont fait énormément de gains en économie d'énergie sur ces dernières années. Et aujourd'hui, malheureusement, la machine de monsieur, elle consomme deux fois plus, et en eau et en électricité, que ce consomment les machines aujourd'hui. On est d'accord, mais c'est vrai que, bon, peut-être que Marek n'a pas envie d'investir 300-400 euros dans une nouvelle machine, et là, pour un joint, ça vaut peut-être le coup de le réparer, quoi. En fait, pas du tout. Enfin, moi, je pourrais. Je pensais que le premier réflexe c'était plutôt de la faire réparer. C'était plutôt le bon geste, effectivement. Mais c'est le bon réflexe que vous avez eu. Si on m'avait conseillé le contraire, j'aurais acheté depuis 4 mois une nouvelle machine. C'est sûr, parce que pendant ce temps-là, c'est qui fait la vaisselle à la maison? Ah ben, c'est ma femme et moi-même. Ben voilà. Ouais. Bon, Marek, pour acheter des gros gants de caoutchouc, hein. Voilà. Alors, juste, Rachid, vous nous demandez quelle était la nature du joint qui avait pété. Exactement. C'est le joint de quelle partie j'avais pas entendu. C'est la porte, en fait. Ce que j'ai compris, c'est le joint qui entoure la porte du lave-vaisselle. Et ça goûtait. En ouvrant par derrière, on voyait que ça, il y a un filet de. Mais en plus, c'est vraiment un truc débile, quoi. C'est rien du tout. N'hésitez pas à vous adresser aussi à des revendeurs de pièces, évidemment professionnels. Ça aussi, c'est une particularité de l'électroménager, c'est que les marques gardent pas le monopole de la vente de pièces détachées. Et il y a d'autres distributeurs de pièces détachées qui vendent pour les marques, donc il ne faut pas hésiter évidemment à se renseigner dans ce sens-là. D'accord, on revient dans un instant, on va découvrir le concept de Ripper Café, et puis on parlera d'imprimer. Mais si on pouvait imprimer des joints, ça serait bien. Christian, ça serait bien si on pouvait imprimer des joints. Ma vie, je suis sceptique. En plus, c'est le bon mois. Le mois de juin. Et voilà. Allez, à tout de suite. Excusez-moi. À tout de suite. Avec Volkswagen, on est tous fiers d'être bleus. Mettez-vous aux couleurs des bleus, tweetez vos selfies d'encouragement avec la mention @RMCEuro et le hashtag VibreBleu et recevez votre vignette personnalisée de supporters. Des cadeaux exceptionnels sont à gagner. VibreBleu avec Volkswagen, partenaire des bleus. Avant, l'été sans Chris, ça ressemblait à ça. Chou, qui veut des choux? Chou. Mais ça, c'était avant. Chouchou, qui veut des chouchous? Des bons chouchous. Avec Chris, l'été, c'est mieux quand ça marche par deux. Jusqu'au 2 août, pour tout achat d'une paire de lunettes de soleil, Chris vous offre la deuxième. Et cette année encore, Chris, opticien officiel du Tour de France. Chris, vous allez vous aimer. Valable sur une sélection de montures, voire conditions en magasin. Bonjour la nuit, Maison de la Literie. Bonjour, Pierre Elmelec, président de Maison de la Literie. Je suis à Caen dans le magasin de Karen Lust. Mais Karen, quel succès! Oui Pierre, ils ont tous envie de largeur. Normal, toutes les largeurs de matelas 160, 180 et 200 sont au prix du 140. Et c'est jusqu'à 40% d'économie. Tous à l'opération grande largeur jusqu'au 12 juin. Bonjour la nuit, Maison de la Literie. Et le meilleur chaîne de magasins de l'année. Voir conditions sur maisondelaliterie.com. Quelle est votre voiture idéale? Pour moi, ce serait une voiture avec une caméra de recul. Ou plutôt deux, c'est plus sûr. Trois? Ça, c'est trop, 3. Jusqu'au 30 juin, c'est le moment d'en demander plus à Toyota. Yaris dynamique suréquipée est à partir de 139 euros par mois, entretien inclus. Portes ouvertes ce week-end selon autorisation. Toyota. Offre particulier pour Yaris dynamique 5 portes, 69 VVTI en location longue durée, 37 mois, 45 000 km, premier loyer 1750 euros, sous réserve d'acceptation par Toyota France Financement, voire Toyota.fr. Avec EDF Entreprises, si vous avez une question ou que vous voulez simplement faire un bilan de votre contrat, vous pouvez faire confiance à nos conseillers. Que vous soyez un professionnel ou un entrepreneur, vous pouvez rencontrer un conseiller ou le joindre par téléphone, chat en ligne ou via notre application mobile. Et vous pouvez aussi suivre l'évolution de votre demande sur votre espace client. C'est ce qu'on appelle être joignable chez EDF Entreprises. L'énergie est notre avenir, économisons-la. RMC, c'est au 32-16. 45 centimes la minute. Et au 7-32-16. 65 centimes par envoi, plus prix du SMS. Jolie noisette de beurre. Cherche pomme de terre au cœur chaud pour se laisser fondre avec délice. Justement, chez Grand Frais, le filet de 2,5 kg de pommes de terre primeur est à seulement 1,50€. Le meilleur marché, c'est Grand Frais. Jusqu'au 11 juin, 60 centimes le kilo, pommes de terre non lavées, variété Atrice et El Mundo, catégorie 2, calibre 35-45, origine Italie. Et si c'était vous ? En ce moment, chez Vinci Immobilier, j'achète mon appartement neuf et j'économise jusqu'à 150 euros par mois, et ce, pendant 5 ans. En plus, les taux de crédit sont au plus bas. Pour un premier achat, je peux profiter du nouveau prêt à taux zéro. Et si c'était vous ? Alors faites comme moi. Rendez-vous sur moi et vinciimmobilier.com pour concrétiser votre projet partout en France. Offre équivalente à 9000 euros de remise immédiate sur le prix de vente soumise à condition et valable dans la limite des stocks disponibles. Éligibilité et mention détaillée sur moi et vinciimmobilier.com. Salut, moi c'est Luc Aplat. Oui, bon je sais, et en plus on me traitait de dégonflé. Mais c'est fini tout ça. Hier, Solange, c'est ma copine, m'appelle paniquée. Je viens de crever. Elle me dit, t'as une bonne voix pourtant. Mais non, idiot, un pneu. Console-toi, j'ai dit. Chez Citroën, du 9 au 11 juin, c'est porte ouverte à pré-vente avec moins 50% sur le deuxième pneu acheté. Et en plus, tu peux prendre rendez-vous en ligne. Oh mon Luc Aplat, tu me regonfles. Quelle a fait. Merci Citroën. Les services Citroën vous simplifient la vie. Offre réservée aux particuliers, pose dans le réseau participant. Conditions sur citroën.fr. Citroën. RMC jusqu'à 10h, votre maison. Christian Pesset, François Sorel. 9h48, c'était RMC, le week-end des experts à la maison. Christian, on essaie de réparer au lieu de changer ce matin et on va s'intéresser à un concept intéressant. Ah oui, un concept tout à fait attachant qui est celui des Repair Café. Nous avons en ligne Philippe Pianer qui est fondateur de 4 Repair Café dans les Alpes-Maritimes. Bonjour Monsieur Pianer. Bonjour Christian, bonjour. Bonjour François, bonjour vos invités. Alors on n'est pas là pour réparer la machine à café, hein, c'est bien ça. C'est pas ça. Bah, écoutez, on ne fait pas que réparer. Et puis, je dois dire que le slogan de Repair Café, quand ils ont été lancés en Hollande en 2009, c'était « jeter, pas question ». Et c'était pas seulement « réparer, pas question », parce que nous cherchons, grâce au Repair Café, effectivement, à apprendre aux gens qu'il faut chercher à réparer avant de jeter. Alors, quel est le concept, s'il vous plaît ? Acheter convenablement, voilà. Donc, quel est le concept, Philippe ? Alors le concept des Repair Café, bon d'abord c'est une chose qui est importante, c'est que nous ne sommes pas en concurrence avec le secteur marchand et avec vos autres invités, mais nous sommes des bénévoles, donc c'est le secteur absolument non marchand et nous sommes là dans l'idée que pour ne pas jeter, bah il est bon de réparer, mais pour réparer il faut savoir réparer et nous avons une démarche qui est d'abord pédagogique d'apprendre aux gens qu'il faut réparer. Donc ça peut renvoyer aux réparateurs professionnels bien sûr, ou d'apprendre eux-mêmes à réparer, ce qui vient en complément de ce que fait l'un de vos intervenants. Mais c'est un concept communautaire, c'est aussi l'occasion de se rencontrer autour d'un café. C'est vraiment dans des cafés ? Non, pas forcément. Alors, non pas seulement des cafés, mais bon, il n'y a pas d'alcool, évidemment. Mais non, parce qu'après, on ne répare plus. La fondatrice hollandaise a eu le bon goût d'appeler ça Repair Café, café en français, puisque, effectivement, les gens qui viennent à nos Repair Café, eh bien, peuvent également échanger entre eux, échanger avec les réparateurs bénévoles, avec les différentes personnes qui vont leur indiquer les sites où ils peuvent aller pour acheter leurs pièces détachées. D'accord. voire aller réparer chez d'autres chez des professionnels. Donc effectivement, tout ça, ça se passe dans la convivialité et dans la sociabilisation. Très bien. Fait. Merci Philippe Caner. Je rappelle donc il y a Repair Café Sophia pour le vôtre .org et Repair Café .org d'une façon générale. Merci. Merci beaucoup. Autre concept qu'on va découvrir. Oui. On est toujours dans cette mouvance de quand l'innovation peut justement nous aider à conserver des appareils plus longtemps. C'est l'impression 3D. Voilà, avec Jean-Philippe Alain qui est responsable de la veille et de non pas d'hier hein, mais de la veille de la surveillance et de l'innovation chez Boulanger. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Alors, dites-moi, c'est bien sérieux ça de faire des pièces détachées en avec une imprimante 3D? Comment ça marche? Évidemment que c'est sérieux. L'idée, en fait, part d'un client et part d'un collaborateur qui ont mis en ligne sur Internet, puis imprimé et donc réparé un de leurs produits grâce à l'impression 3D. Et c'est bien ça qu'on a réussi à faire avec Happy 3D, c'est de reproduire ce cas du client qui se démultipliera à l'avenir pour lancer une communauté, pour permettre à nos clients de retrouver l'usage de leurs produits. Alors, expliquez-nous concrètement comment ça marche. Par exemple, j'ai un grille-pain que j'ai acheté chez Boulanger, parce que évidemment, il faut que j'ai le bon produit qui avec la bonne pièce détachée qui soit disponible en impression. C'est les bons, déjà. C'est voilà, bon produit. Donc, exactement. Sur la plateforme, on a nos produits donc des marques Essentiel B et Listo, mais on retrouve quelques autres marques par clients. Essentiel B, qui est votre marque, on va dire, de distributeur. Hein. Donc, je casse par exemple un bouton de mon grille-pain, d'accord? Comment ça se passe? Je vais sur votre site, qu'est-ce que je fais? Oui, donc vous allez sur happy3d.fr et vous identifiez soit par la référence de votre produit, soit par la référence de la pièce détachée si vous connaissez, la pièce qui est disponible en ligne. D'accord. Aujourd'hui, on a plus d'une centaine de pièces et c'est bien une démarche qui démarre de notre côté. Là, vous faites à peu près ce que fait Spareka, vous fournissez des pièces détachées. On fournit des modèles de pièces détachées. Des modèles? Exactement, des modèles de pièces détachées, donc en ligne, gratuitement, librement. Le client va pouvoir télécharger le modèle de sa pièce détachée. Donc je vais télécharger la 3D de la pièce en fait. Je vais télécharger la pièce, un fichier quoi. Le fichier, voilà. Exactement, gratuitement sur internet, sur appy3d.fr, vous allez retrouver le bouton de votre four, le bouton de votre grille-pain. Vous allez télécharger le modèle et vous allez pouvoir l'imprimer si vous possédez une imprimante 3D. Ouais, mais ça, il y a presque personne n'en a. Et exactement. C'est pour ça qu'on est allé plus loin et on a proposé à nos clients d'être mis en relation avec des personnes qui ont des imprimantes 3D près de chez eux. C'est un coup pour aller taper à la porte de la voisine qu'on a une, quoi. Et exactement. C'est plus de 400 imprimantes 3D en France qui sont disponibles via certains Repair Café, par exemple, ou d'autres tablades, où on va pouvoir imprimer moyennant quelques euros pour le consommable, par exemple, imprimer la pièce détachée et donc retrouver l'usage de son produit. D'accord, mais alors c'est des pièces, on va dire, pas stratégiques, quoi. Ça va être des boutons, des trucs comme ça. C'est pas une pompe. On peut pas imprimer une courroie, par exemple. Alors c'est pas une pompe, c'est pas une carte électronique, ça va être des pièces qui vont pouvoir être facilement changeables par. D'accord. Par le client. C'est le bouton du grille-pain de François. C'est ça. Il mange. Et alors, mais il coûte combien mon bouton de grille-pain? C'est abordable? Alors sur notre site tout est gratuit. Oui, mais après le fait de l'imprimer, une imprimante 3D. Il va vous coûter quelques centimes en plastique en fait, le consommable pour mettre dans les imprimantes 3D. Oui, okay. Mais la prestation, on va devoir la payer. Oui, parce que je vais louer, en fait, je loue en quelque sorte l'imprimante 3D. Voilà. D'accord. Quelques euros. Parfait. Ce qu'il faut se dire, c'est que ça permet à certains clients de retrouver l'usage de leurs produits de façon temporaire, définitive. C'est vraiment une très bonne idée. Donc, certaines pièces ne sont juste plus disponibles, en fait, et ça permet donc de résoudre cette problématique. Happy 3D, donc. Merci beaucoup, Jean-Philippe Alain. Merci. Merci. C'est une tendance intéressante, non? Oui, alors nous, chez Spareka, on oriente tous les clients qui n'ont pas réussi à trouver leurs pièces détachées, parce que malgré notre catalogue de 8 millions de pièces, qu'on ne trouve pas, et donc vous incitez les gens. On est tributaire des fabricants, in fine. Et donc, à chaque fois qu'on ne trouve pas, on oriente, alors nous, c'est vers un organisme Emmaüs qui s'appelle Trira, vers lequel, justement, ils envoient leurs pièces, et puis on en fait. Après, ça coûte parfois un peu plus que quelques centimes, parce que c'est quand même des grosses machines, et tout ça, faut l'amortir. C'est que le début de cette technologie qui est complètement révolutionnaire, l'impression 3D. Hein. Merci, Camille. Merci. Bernelet de Gifam, Rachid Elmaouzouni, je l'ai dit bien cette fois, je l'ai bien dit, et Geoffroy Malater, donc de chez Spareka. Nous avons eu Philippe Caner aussi pour les Repair Café. Merci beaucoup Christian PC, et on se retrouve samedi prochain 8h-10h, et dans un instant il est là, Serge Simon.

En revanche, sur une bonne moitié nord, on a des averses et puis même des orages au nord-est. Mais sur les régions du sud, le temps est beaucoup plus calme, surtout près de la Méditerranée où là le temps est sec avec du soleil. Les températures, elles sont en baisse quand même, Serge. Ah bah oui, voilà. Mais il fait pas froid, faut c'est pas ça, exagérer. 19 degrés à Brest et à Cherbourg, 20 degrés à Paris cet après-midi, également à Nantes, à Dijon, c'est n'importe quoi. Et à Limoges, 22 degrés à Lille et à Clermont-Ferrand, 23 à Toulouse, ça va te réchauffer ça, Serge. Oui. 26 degrés à Perpignan. J'en ai besoin. Et 29 degrés à Marseille. Ah, ben voilà, oui, ah, il fait chaud à Marseille. Il faut aller au sud quand même. Oui, oui. Profitez d'un moment de détente avec piscine-hydrosud.fr, site internet et magasin spécialiste de la piscine. Aujourd'hui, tout le sport est sur RMC. Dès 14h, intégrale UEFA Euro 2016. Avec à 15h, Albanie-Suisse, suivi à 18h de Slovaquie-Pays de Galles. 19h, Formule 1, les qualifs du Grand Prix du Canada. 20h45, rugby top 14, premier match de barrage, Racing 92, Stade Toulousain. Et à 21h, intégrale UEFA Euro 2016, coup d'envoi d'Angleterre-Russie. À la radio, sur votre portable, votre tablette, sur internet, RMC. RMC 10h01, lui il a jamais froid, on dit même qu'il est chaud patate, c'est Julien Coudreau qui nous présente le journal. Bonjour Serge, bonjour à tous. Sissoko qui va la mettre en touche, c'est fini à l'instant même, la victoire de l'équipe de France sur le score de 2 buts à 1 et la délivrance de Dimitri Payet dans la souffrance, dans la complexité, dans la difficulté, l'équipe de France sort vainqueur. Elle a été longue à se dessiner, difficile à obtenir, mais les Bleus ont finalement remporté leur première victoire de l'Euro, victoire de Buzyn face à la Roumanie hier soir. Il a fallu donc attendre la toute dernière minute et une frappe lumineuse de Dimitri Payet, entrée en compétition réussie pour les joueurs de Didier Deschamps et soulagement du sélectionneur à la fin de la rencontre. C'est un match évidemment compliqué.